una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. De Stromae qui est venu nous dire un petit bonjour. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. C'est très très très étonnant, jeune homme. Il est élégant. Ouais. Très élégant, très élégant. Passe-moi le micro, bien sûr. Quel est votre prénom ? Ah, le micro. Ah, le micro. Putain, le mais micro, c'est un micro. Gars que vous allez me faire combien de fois le coup du micro pas allumé ? C'est quoi ton prénom ? Kader. Ça va, Kader ? Très bien, merci. Pourquoi ces petits vêtements, ce petit pull, ce petit de papillon ? Peut-être pour toi, je sais pas. Ouais. C'est pas vrai. Arrête, laisse-moi rêver. Ah, oui. Ça me fait plaisir. Bon, ok, danse pour Zara Larsson, c'est pourquoi c'est comme ça. T'es... Non, j'étais en entretien avant, c'est pour ça. Ah, mec, on a rien à branler de Zara Larsson, non, j'avais un entretien. Si, un peu quand même. Ouais, ouais, t'avais un entretien de quoi ? Entretien de quoi ? Dans un palace à Paris. Ah, et tu y allais comme ça ? Ouais. Bah, en même temps, c'est la bonne. Non, mais je travaille là-bas. Ah, tu travailles déjà là-bas ? C'était juste un rendez-vous avec. Mais il est classe, il est classe, il est classe. Bravo, jeune homme, vous êtes très bien. Vous êtes très jolie. Bravo, mademoiselle à côté. Vous n'avez pas pu vous habiller comme lui avant de venir ? C'est quoi ? On t'a mis en jogging. Il y avait sport aujourd'hui ou quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Enfin, regarde, il a mis son petit nœud pape. C'est quoi ton prénom ? Gladys. C'est Gladys, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que tu fais partie des Gladys où le prénom ça s'écrit avec un W ? Oui. Ah ouais ? Ah, c'est la Wadis là. Ça, c'est le prénom. On t'a foutu un W que personne ne prononce pas. Pourquoi. Ça s'écrit Gladys. Ouais, Gladys. Gladys. Gladys. C'est ça ? Il est où ? Appelle-moi ton prénom. G-W-L-A-D-Y-S. Ah Gawaladis. Ouais, c'est G-W-L-A-D-Y-S. Gawaladis. Ah ouais. C'est vrai, et les mecs, ils se sont dit, on va mettre un W que personne ne prononcera jamais. C'est Gwadlis, du coup. Gwadlis. C'est Gwadlis. Tu viens d'où, Gwadlis ? Haute-Savoie. Oh, bah dis donc. T'es perdu ? Faut que tu te dépêches, t'as un métro tout à l'heure. Si... Haute-Savoie, c'est loin, comme à quel endroit ? La Roche-sur-Fond. D'accord, qu'est-ce que tu fous à La Roche-sur-Fond ? Bah, j'y habite. J'y habite. Elle peut faire que ça là-bas. Je m'ennuie. Venez me chercher. Non, en plus, c'est vrai, on s'ennuie trop là-bas. Ah ouais, mais ah ça, ouais. Ouais, il va pas y avoir beaucoup d'habitants. Bah, hors saison, là, c'est les montagnes, c'est dur. Là, ça va redevenir bien. La neige va arriver. Tu as pu quitter les gros manteaux jusqu'au mois de. Avec les grosses chaussures qui font. C'est ça qui est bien. Bienvenue tout le monde, notre invité tout à l'heure. Le Monday, Sarah Larsson sera là. Le Monday, dans quelques jours, une émission spéciale avec Fifth Harmony. Et puis il y a plein de surprises, n'oubliez pas qu'il y a le toc toc toc de Tal qui se prépare. C'est jusqu'à quand les inscriptions? Faut faire vite hein. Parce que je crois qu'on va le tourner dans pas longtemps hein. C'était jusqu'à hier soir. Ah c'est fini? Ouais. C'est fini. Eh ben c'est fini. Ah ouais. Les inscriptions, je croyais que c'était jusqu'à ce soir. Non, ça s'est clôturé hier soir à minuit. On aurait pu faire un compte-rond et arrêter là. Bah oui, mais on laisse une semaine à chaque fois. Hein. Tant pis, ça veut dire qu'on le tournera la semaine prochaine. Je peux vous amener Tal chez vous à la maison, ça va être énorme. Semaine prochaine, Black M avec nous au parc Astérix. Émission spéciale en live, Manu fera le matin, on fera le soir. Ouais. Ça va être un bon moment, il vous sera avec nous toute la journée au parc pour faire les attractions et tout. C'est bien, on va pas se geler du tout. Ouais. Non, ça va être un bon moment. Black M sera avec nous là-bas, on va kiffer ce moment. Vous serez là. Ça va ma Julie? Ouais, ça va. T'es en pleine forme? On aura aussi Ryan Bensesi la semaine prochaine. Quand est-ce? Je te dis pour les filles parce que bon. On va avoir Ryan Bensesi. Ouais, vendredi prochain. Elle s'en fout un peu dans le public. Gabaladis, ramène-moi le micro vers Gabaladis. Est-ce que t'aimes bien Ryan Bensesi? Ouais. Bon, pas plus que ça. Hein, t'es pas... Y'a qui d'autre qui vient qui peut faire plaisir à Gawaladis parce qu'elle s'en fout de Ryan Bensesi? Julianne Peretta. Julianne Peretta. Non, elle est très difficile, la Gawaladis. On a qui d'autre? Bon, on a plus personne. Voilà, ouais. T'es jamais content. C'est bien déjà. J'aime m'appeler comme ça. T'es fan de qui? Kinvé. Ah, bah oui, il fallait venir il y a 10 jours. Oui. Tu viens pas pour moment, Gawaladis. Elle vient pour toi, c'est déjà ça? Ouais, ça fait plaisir que tu sois là, ma gueule. Ou pas, t'es à te dire non. Non, même vous, je vous aime pas. Qu'est-ce que je fais là, en ça fait? Ça va, Pietre? Ça va. Ça va, Guéguette aussi? Oui, ça va bien. Toute l'équipe va bien. Ça vient comment, les gens, au standard? Ça va, mon Mika, Stouff? Ça va, et toi? Ouais, ça va bien. Ah, ils parlent ensemble, c'est mignon. Vous avez pas fait de petits encore? Tout va bien? Non. Psycho, qui bosse avec nous, ça va, mon gars? Ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Tranquille, je suis en mode bossation. Je suis en train de travailler. Alors, tu t'arrêtes ou pas? Pas encore. C'est quoi cette histoire de lettre? Il va se faire engueuler. Il le sait, il l'attend. Julie, dans la série, comment s'est passée ta journée? Bonne journée ou mauvaise journée? Maintenant, je veux savoir en démarrant l'émission. Super journée, j'ai adoré. Ça y est, tout le monde. Alors, ouais, moi aussi, j'ai passé une bonne journée. Je pense que vous savez quoi? Avec Zara Larsson, je pense qu'on va se faire une belle émission. Ouais, c'est vrai. On va se faire un truc de fou. On a plein de trucs de prévu et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de vent là où tu es. Beaucoup même. Oui, il y a du vent, un petit peu. Ma petite chérie, t'es où? Je suis à Mâcon. D'accord, il fait du vent à ce point-là à Mâcon. Ah ouais, visiblement. Oui, c'est pas très beau en plus. En même temps, qui regarde la météo à Mâcon quand on n'habite pas Mâcon? C'est vrai que. Oui, c'est vrai. Et pourquoi ta journée était super? Parce qu'en fait, je me suis préparée pour aller au boulot, tout ça. Et en fait, je me suis pointée au boulot et j'avais. En fait, c'était ma journée de repos, mais j'avais même pas fait attention. Et du coup, bah. Je suis partie en repos, j'ai pu profiter et faire le magasin. C'est cool ça. Ça, c'est le bon plan. Tu crois que tu vas bosser, en fait, on te dit non, tu t'es levé pour rien. En même temps, t'es vénère parce que tu t'es levé pour rien. En même temps, tu fais j'ai pas à travailler. C'est comme quand t'arrives à l'école et qu'on te dit ah bah non, il y a grève. C'est génial. T'es triste. Ouais. Moi, j'étais triste. Oh là là, je vais rater une journée. Vite, allons à l'étude. Tu penses bien. Bon, par contre, c'est dégueulasse le son. Je te fais un gros bisou, Julie. Je t'embrasse. Il n'y a pas de souci, gros bisou. À bientôt, ma chérie. Bah, t'as passé une bonne journée, tu vas passer une belle soirée. On aura Antoine dans 2 minutes. Ça va, Antoine? Après Martin Garrix. Ça va et vous? Oui, ça va bien. Tu me mets pas Martin Garrix derrière. T'as pas décidé de pas me mettre Martin Garrix. Je fais des gestes comme ça, c'est pas pour moi de Martin Garrix. On a un problème avec les communications avec les RERA cette année. Je pense que c'est la première émission de France, mais on n'a jamais eu autant de tadas sur une émission. Je sais pas s'il sera la semaine prochaine. Maintenant, ça va être une heure un RERA. Ça va partir toutes les heures. Antoine, tu bouges pas, ce sera à toi dans 2 minutes. Ok, ça marche. Bouge pas, mon poteau. Après Martin. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Of love. When this madness When there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all in the name of love. In the name of love. Name of love. In the name of love. Name of love. In the name of testify, screaming the holy lie. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, screaming the holy. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Coé, 19h-22h sur Énergie. La pizza à Larsen sera notre invité tout à l'heure. Le nouveau, il s'appelle Ain't My Fault. C'est celui-là. C'est le premier extrait du nouvel album de Zara Larsson qui va sortir bientôt. Le clip en 15 jours, 21 millions de vues. C'est incroyable. Et en même il temps, est bien le titre. Il est bien le titre. Ça change. Ouais. La petite est bien. Elle est belle. Hein. Vous avez réglé le micro, la taille, c'est pour Zara Larsson. Vous rigolez, vous êtes sérieux? C'est pas parce qu'elle est suédoise qu'elle fait 2 mètres. Hein. Non. Elle a peut-être beaucoup de talons. Ah non, c'est pas un champion de judo pour soi. Hein. Là, je crois qu'il va falloir baisser un peu le micro. Ce sera dans un instant. Antoine, ça va mon pote? Ça va et vous? Ça oui, va tout va bien. T'habites où, Antoine? Moi, j'habite à Paris. Eh bah, bienvenue, Antoine, chez nous. Moi, je m'appelle Coé, je te présente Julie. Bonsoir. Qui a remis sa chemise. Sa petite chemise. Tu l'aimes chemise. Bien, celle-là. Ah, c'est bien. Julie, quand est-ce qu'on met le range ta chambre qu'on a enregistré il y a deux jours? Ce soir oui. Ou demain, dans la journée. Bon, guettez ce week-end mais sur ma oui. chaîne YouTube, on va vous mettre le range ta chambre. C'est un bonheur. On est allé chez une jeune fille, et parce que c'est un Charlotte. Nouveau truc. Si ça vous fait marrer, si ça vous plaît, si vous kiffez la vidéo, on le refera. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vous qui vous inscrivez si votre chambre est dégueulasse. Ouais. Ou vos parents, je m'adresse aux parents, qui si votre chambre elle est dégueulasse aussi, vous dénoncez vos enfants. C'est vrai. C'est possible. Hein. Et nous, on vient et on nettoie et on fait des cadeaux. Et vous verrez la petite Charlotte demain, vous allez la kiffer, elle est adorable. Ouais. Elle avait des chaussettes. Oui, par contre. Vous le verrez à la vidéo. Je pensais pas que c'était possible qu'une fille ait des chaussettes de cette couleur-là. Parce qu'en fait, elle les jetait dans sa chambre et le lendemain, elle disait « Oh, je vais peut-être les remettre. Ah. »« Oh, faites pas, vous l'avez tous fait !» Elle tenait debout, ces chaussettes. Mais enfin, arrêtez, on a tous eu dans notre vie au moins une fois une chambre dégueulasse. Mais à la base, elles étaient blanches et au fond, elles étaient jaunes. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait une semelle de crasse dessus, en fait. Je pense que là, on a lavé des trucs, on a même lavé, on a fait des trucs bien. Et les parents nous ont dit merci à la fin. Oui, c'est vrai. Merci. Ça va, Antoine? Ça va. De Paris, salut. Antoine, si j'ai envie de te demander 25 fois comment ça va, Antoine, je te demanderai 25 fois comment ça va. Parce que, Antoine, ton bonheur, c'est mon bonheur. Ah, your bonheur is my bonheur. Est-ce que ça va? Sauf si ton bonheur, c'est les choux de Bruxelles. Hein, c'est pas si j'aime bien les choux de Bruxelles. Ah, je m'y suis remis aux choux de Bruxelles. Arrête, ça pas ça. Personne n'aime? Ah non. Qui aime bien dans le public des choux de Bruxelles? Personne n'aime. Il y a un mec dans le fond. Il y a un mec. Soirée chaud de Bruxelles la semaine prochaine. Vous allez vous mettre bien tous les deux. Non mais franchement j'aime bien. Non ça sert à rien d'amener le micro maintenant. Non. C'est bon. Non on va pas faire ça. On sait qu'il marchera pas de toute façon le micro donc. Je m'appelle Antoine, j'ai 17 ans. Ça va Antoine? Quatre fois. J'habite chez mes grands-parents. Jusque-là, rien de ouf. Seulement, depuis la rentrée, on se fout de moi. Car tous mes potes en cours trouvent que je sens le vieux. C'est pas très drôle. Du coup, tout le monde se marre et je suis pas prêt de pêcher une fille du bahut. Tu sens vraiment le vieux ? Ah oui, non mais c'est pire que ça en fait. Enfin, j'habite chez mes grands-parents parce qu'en fait, j'ai fait une fille un peu spéciale. Du coup, je ne pouvais pas rester chez moi, donc du coup, j'habite chez mes grands-parents. Et enfin, quand je vous dis que ça sent le vieux, ça sent vraiment le vieux chez eux, quoi. Enfin, mais c'est horrible. Ouais. Du coup, les vêtements, ils s'imprègnent. Ouais, exactement. Et je comprends pas pourtant. Je mets du parfum attends, les vêtements, c'est toujours. Est-ce que ça sent vraiment le vieux chez tes grands-parents ? Ça sent. C'est quoi l'odeur ? Ah oui, c'est l'ancien. Enfin, tous les meubles, ils sont anciens. Enfin, c'est vraiment vieux chez eux, quoi. Tout à fait le truc. Vous savez, j'ai déménagé il y a pas longtemps dans un nouvel appart et je suis arrivé dans un appart qui est vraiment vieux, ouais. Qui a été refait et dans les placards, ça sentait le vieux. Ouais. Et même dans l'appart, j'ai dû tout aérer, j'ai mis du pchit partout, des trucs qui pendent parce que j'avais peur que mes affaires sentent le vieux. Ça y est, l'odeur, elle existe plus. Et t'as réussi à l'enlever ? Je sens pas le vieux. Non. Bon, bah voilà. Bah, on voulait t'en parler. Non, mais arrêtez, vous êtes fous, je suis sensible à ça, ça m'aurait rendu dingue. Quand j'ai senti les placards, j'ai dit oh là là, mais je vais sentir le troisième âge. Mais après, lui, les placards, c'est pas parce que ça sent le vieux dans la maison, il peut fermer ses placards et mettre des trucs dedans, des sapins, des machins. J'avais un pote qui avait une maison, ses parents lui avaient refait une chambre qui sentait l'humidité. Et toutes ses fringues sentaient l'humidité. Ça pue, c'est horrible. Et vraiment, il sentait pas bon. Il sentait pas le mauvais, ça. Il sentait l'humidité. Le sac de sport. Quoi. Ah, c'était le pauvre, il avait une odeur et il pouvait rien y faire. Ses fringues prenaient l'odeur de sa chambre. Et il n'y avait que sa chambre qui avait un problème d'humidité. Pas le reste de la maison. Moi, j'ai un pote, il puait le chien, pour de vrai. Au lycée, à chaque fois, il avait des chiens. Ouais, il avait des chiens, mais toutes ses fringues puaient le chien, mais c'était violent. Parce que quand tu vis avec 2-3 labradors chez toi, non, c'est mort. T'as beau faire ce que tu veux, t'as beau être propre, tu vas puer le chien. Hein. Enfin, quand même, si tu laves tes vêtements, Non, je te jure, mais même la maison, ça, quand même, même à partir de même un gros chien dans une petite maison, ça pue le chien. Alors quoi. Deux, alors trois. Alors deux vieux dans une petite maison avec des chiens. Deux vieux qui ont des labradors, quand une maison humide, alors si en plus ils fument, alors là, t'as un cocktail d'odeur. Mais ils aèrent jamais chez eux ? Ah, les courants d'air, ils vont se mourir. C'était une question. Ouais, Antoine. Bonjour Antoine, ça va ? Ça va ? Cinquième fois. Non, ils aèrent, mais franchement, ça sent toujours quoi. Enfin, c'est vraiment l'odeur de la maison quoi. Même pas. Je viens d'arriver en septembre. Non, mais eux, ils habitent depuis combien de temps dans l'appartement ? Oula, j'en sais rien. Ça fait hyper longtemps. Ah non, c'est vraiment de la folie quoi. Enfin, pourtant, j'ai essayé tous les trucs, tous les moyens. Pour vraiment que ça sente plus sur mes vêtements, etc. Et même cet été, mais tu n'as pas été l'été, parce que l'été, quand t'as l'air, en théorie, ça va mieux. Je viens d'arriver en septembre, là, du coup. Mais c'est les vieux qui sentent ou c'est les meubles ? On est d'accord que chez les personnes, je pense qu'ils sentent. Ceux qui ont des grands-parents. Quand vous y allez, ça sent un peu le vieux, non ? Ouais, c'est vrai. Non, il y a une odeur quand même. Mais je me demande, c'est quoi ? Mais c'est pas la personne. Je crois que c'est un ensemble. Je crois que les meubles n'ont pas été changés depuis longtemps. Je crois que les tapis n'ont pas été changés depuis longtemps. Je crois que les vêtements. J'ai une espèce d'odeur de on n'a pas feuilleté le catalogue Ikea depuis 62, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tous les meubles, ils sont vieux et tout. C'est vrai. Ouais, vous avez remarqué que les personnes âgées n'achètent jamais de meubles. Tu vas dans un magasin Ikea, un magasin Habitat, tu verras jamais des gens d'un certain âge. Les meubles, ils les ont, ils feront jusqu'à la fin de leur vie avec. C'est vrai, t'as raison. C'est récent de se dire on rachète des meubles, on change des meubles. T'avais une génération, je pense que vos grands-parents, c'est le même délire. Ils ont acheté des meubles à 30 ans, et ben ils les poussent toute leur vie. Le canapé, tu t'affaisses dedans, il n'y a plus rien et tout. Nous, on change. Sinon, il y a des canapés de vieux. Il y a des vieux qui rachètent des canapés de vieux. Ils sont beaux être neufs, ils font vieux. Ils font déjà vieux. Avec les trucs en bois, là, sur le côté, les motifs à fleurs. Excusez-moi, moi, il y a des pubs qui passent à la télé, là. Celle que fait la pub, la suédoise. Château d'Ax. Vous avez vu les canapés de chez Château d'Ax ? Il en faut pour tous. J'ai l'impression que t'es en retraite. C'est pas en cuir là. C'est avec les trucs électriques là qui te pour les pieds là. Oui, qui se lève là. Poltron et sofa, les artisanats de la qualité. T'as vu la gueule des canapés ? Oui. Mais moi je ferais deux les mecs, je ferais moins de pubs et je ferais des canapés plus beaux parce qu'ils sont moches leurs canapés. Les mecs ils te font une pub. Après c'est une question de goût. C'est quand même des canapés de vieux. T'achètes ça, t'as déjà l'impression que t'as pris 15 ans. Ouais, tu sais, avec le petit truc, le pied qui se relève, t'es bien là. Non, mais rien que ça. Pour la tête aussi. Regardez comme on est bien. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien quand on regarde. J'ai envie de regarder Question pour un champion. David Pujadas, il est bien. J'irais bien faire pipi, mais je peux pas, je suis trop confort. Mais rien que ça, de toute façon. Pour le coup, dès que ton canapé se lève, ou même les lits qui se lèvent comme ça, ça fait vieux. Moi, j'avoue, je voulais acheter un truc, je sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est les Américains qui ont ça, les gros fauteuils de massage. J'avais essayé ça aux États-Unis. Tu te mets dans un fauteuil et le truc il te masse, mais les jambes, le dos, et t'es là, t'es super bien. Sauf que

only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. C'est celle qui fait ça aussi. Et tout à l'heure, vous découvrirez le nouveau. Tout à l'heure, il y aura question pour Ayeuf. J'adore ce moment. On aura une petite annonce de merde. Faudra qu'on en parle du choix de la petite annonce pourrie. Oui, bah c'est stouf. Hein. Stouf, faudra qu'on s'explique. Non, non, mais on fera une explication tout à l'heure. Non, non, on fera une explication. Elle a des besoins, vous savez, dans l'émission, restez avec nous, parce que dans l'émission, je vous dis tout, je vous cache rien. Hein. Quand on se fait taper sur les doigts, machin, je vous le dis. Hein. Là, il faudra que je vous explique les coulisses de l'émission. Ouais. Parce que vous allez halluciner. J'ai une bonne équipe. Hein. Ah, j'ai une bonne équipe. Hein. On se sent soutenu. Hein. Qu'est-ce qu'on a le temps de faire maintenant? Le répondeur, ou moins? Ah, oh, je sais pas. Ah, c'est plus joli quand c'est le jingle qui le dit que moi, pour le coup. On a un jingle et tout qui dit, vas-y. C'est le répondeur. Le répondeur ouin-ouin. Le répondeur ouin-ouin est une petite sélection de messages que vous nous laissez quand vous nous passez un coup de fil au 0870 70 42 48. Ouais. Vous nous laissez un message et des fois il y a des messages super. Voilà. Et des fois il y a des messages un peu barrés. Voilà. On peut dire. Allez, on en a mis quelques-uns. Bonjour toute l'équipe, je vous adore, je vous écoute tous les jours. Pouvez-vous me rappeler s'il vous plaît? C'est pour savoir si je peux poser ma candidature à la présidentielle. Je m'appelle Alan. Mon numéro de téléphone, c'est... Oui. Merde. Ah bon. Oui, bonjour Koé, c'est Valérie. Salut. Bon, bah, écoute, j'adore ton émission à fond. J'écoute le matin un peu de temps en temps. Ah bon? Par contre, j'ai quelque chose à te dire, c'est très important. Ouais, je t'explique. Il y a une chanson qui me fait rêver en ce moment. Ouais. Ça s'appelle « J'ai besoin d'amour comme tout le monde ». Et j'ai aucune idée qui c'est. Ouais, Koé, ouais. Dis-moi, si t'es chaud, offre-moi tes places pour le lot à côté de Rungis, s'il te plaît, où je travaille, au moins après travail. Je veux avoir une discothèque avec des amis. D'accord. Il faudrait 5 places. Bien sûr. Il réserve. Salut. Salut. Oh voilà. Vous comprenez pourquoi on l'appelle comme ça maintenant? Vous comprenez pourquoi des fois on s'en met une petite sélection? Qu'est-ce qu'elle disait la dame? C'était quoi la chanson qu'elle aime? J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Mais c'est quoi ça? J'ai besoin d'amour. Les trois mousquetaires. Oh là, comme on avait même le public qui savait pas, tout le monde cherchait. C'est les trois mousquetaires enfin. Bah voilà maintenant. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Ah oui, j'ai besoin d'amour. Non, comme tout le monde. Pas ça. Non, bah je croyais. Dans un instant en tout cas, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on fera Julie? On aura question de Dieu. Question pour Ayeuf. On appelle des personnes âgées en France, on leur donne des expressions de jeunes. C'est celui des deux qui connaît le mieux les expressions de jeunes qui gagne rien. Absolument rien. Voilà. Et ça nous fait rire. Et ça nous amuse, et puis ça distrait, et puis ça donne du bonheur. Happy, c'est comme ça, c'est ce qui se passe. Voici Sound of Legend. Il y a les 7 merveilles du monde, le 7e art, le 7e ciel, mais le plus important, c'est la 7e saison de Koé sur Énergie. Koé, 19h, 22h sur Énergie. Bienvenue tout le monde, c'est le moment de jouer à Question pour Aïeuf. Vous connaissez le principe, on appelle des personnes âgées, on leur demande des questions de jeunes. S'ils ont une bonne réponse, mauvaise réponse. Eh oui, vous avez compris. Et celui qui gagne, il gagne. Rien du tout. Et un très beau rien en or. Ils sont contents à chaque fois. Attends, on occupe leur soirée. Hein. Allô. Allô, bonjour. Janine. Oui. Bonjour, c'est Koé. Comment allez-vous, Janine? Oh, ça va bien. Je vous dérange, tout va bien? Non, pas du tout. On est sur Énergie, alors je vous présente l'équipe. L'équipe, dites bonjour à Janine. Bonjour, Janine. Janine, vous habitez à Lyon. Le temps est comment à Lyon? Il fait froid? Il fait comment? Il pleuvasse. Il pleuvasse. Ah là là, quand il pleuvasse, c'est pas bon, hein? Non, c'est pas bon. Non, je vais vous présenter celle avec, contre qui vous allez jouer, ça va être terrible. Elle s'appelle Francine. Francine, elle ne laisse pas gagner, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Pourquoi tu dis le ça? Duel Francine-Janine, ça peut être terrible. Francine, bonjour, bonjour Francine. Oula, de Carcassonne, comment allez-vous? Très bien. À Carcassonne, il pleut, mais c'est pas grave. Il pleuvasse. Je vous présente Francine, Janine. Janine, je vous présente Francine. Enchantée, Janine. À quel âge, Francine? Et Janine, vous dites pas enchantée, Francine? Enchantée, Francine. C'est pas très sport, tout ça. Écoutez-moi bien, il y a trois questions avec à la clé à gagner un très très beau rien en or. Oui. Écoutez-moi bien, le principe, c'est que je vous donne des expressions de jeunes, je vous donne trois éléments de réponse, vous me trouvez la bonne réponse. On commence facile. Comment dit-on j'aime en langage jeune? Je louffe. Oh, mais là vous m'en demandez beaucoup. Hein. Attendez, Janine, attendez, c'est les propositions. Facile. Janine, ne partez pas perdante. Oui, non, mais attendez-moi, vu mon âge, n'est-ce pas, je n'emploie pas les mots des jeunes. Eh bien, essayez de trouver. Vous avez entendu peut-être. Écoutez, Énergie. Alors, justement, essayez de trouver. Comment dit-on j'aime en langage jeune? Je louffe, je kiffe ou je craque? Ouh là là. Je louffe. Je kiffe ou je craque? Je louffe. Vous dites je louffe. Francine. Et moi je dis je kiffe. Ah. Bien joué, Francine. Bravo. Et oui, Janine, on dit je kiffe en langage jeune. Pas je louffe. Je louffe, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire alors je louffe? Piètre, ça veut dire péter. Oh là là. Bah, c'est oui, ça. Alors là. Il y avait plus classe, non? Il y avait quoi? Flatulence. Pas très joli. Alors, comment dit-on j'aime beaucoup en langage jeune? Je vous aide. Je kiffe de ouf. Je kiffe extrêmement. Ou je kiffe des bars. Francine. La première, je kiffe. De ouf. Oui, voilà. Et Janine, vous diriez? Je dis pareil. Copieuse. Ah oui. Je kiffe de ouf. C'est pas bonne réponse. Bah, voyez, Janine, d'un seul coup, vous parlez jeune, je kiffe de ouf. Oui, mais j'apprends beaucoup de choses avec vous. Eh bien, vous allez apprendre pour la dernière. Comment dit-on, écoutez-moi bien, ouvrez les guillemets, nous avons succombé au plaisir de la chair. Fermez les guillemets. Est-ce que on dit on a teasé, on dit on a ken, ou on dit on a beuge? Janine, on a teasé, on a ken, ou on a beuge? On a beuge. On a beuge. D'accord. Et Francine? Ah ben, moi je vais dire que... On a teasé, on a ken ou on a beuge? Le premier, on a kivé. On a kivé. C'est pas on a teasé. La deuxième, Francine, il faut le dire, sinon on ne valide pas. La deuxième, c'est on a... On a... casse. Ah, non, pas casse. Ken. On a kiffé. On a kiffé. Non, ça c'est le truc du début. On peut dire éventuellement, on peut faire des combinaisons. On peut dire on a kiffé Ken. Ouais, mais, ouais. mais la réponse, c'est on a Ken. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? On part sur une égalité. Tant pis, un très beau rien d'or. On le garde pour la semaine prochaine. Ouais, ça. C'est ça. On remet en jeu. J'invente les règles. Ouais, c'est ça. Francine, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Et ben moi aussi. Je vous embrasse. À bientôt à Carcassonne. Janine. Oui. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end. On a kiffé être genre, avec vous. Merci infiniment. On a kiffé. Oui. Janine, vous avez kiffé? Oui, on a kiffé. Et on a tous kiffé. Elle a pas compris, ça, c'est ça qui est bien. C'est quand cette émission, c'est un gros kiff. C'est vrai. C'est ça qui est sympa. Voici Frérot de la Vega. Hey, tout à l'heure, il y aura Sarah Larsson. Il y aura qui sera notre invité. On est vendredi. On vous prépare une émission de ouf aujourd'hui. Avec que des surprises dedans. Restez avec nous. Il y aura une petite annonce de mer tout à l'heure. On en parlera. Il faut qu'on se parle tout à l'heure, l'équipe. Au-delà des orages, je pars en voyage. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Je la kiffe cette chanson. Commencez, je vous On dirait Madame Pavoschko. Ouais. Tu serais capable de faire le rap là? Hey, Madame Pavoschko, non, silence, c'est bien. Allô, go, non, je fais des... Non, mais y a, ça revient au premier titre, c'est bien. J'aime bien. C'est bien. Il sera notre invité Black M la semaine prochaine. Attention, c'est le moment d'offrir justement des invités pour venir avec nous. Porc Astérix. Pour une émission spéciale là-bas mercredi, ça va être bien. Je vous raconte pas. Avec le code que je vais passer le matin, je vais être une humeur massacrante, c'est clair. Ça se trouve, il va être facile. Hein. Panoramix, il a intérêt à me faire une potion code de la route. Je te jure, il a intérêt à être. Non, c'est après. Allô ? Oui, allô ? Oui, allô, bonjour. Oui, allô ? Bonjour. Bonjour, quel est votre prénom ? Arthur. Salut, Arthur. tu veux faire le décor penché ? Arthur. Non, merci. Arthur, c'est Coé à l'appareil. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle Arthur ? Non, c'est une blague. C'est pas non, Coé à l'appareil. Ça n'est pas une blague. Je ne fais jamais de blague. La dernière fois, j'en ai fait une. Ça s'est très mal passé. On a une mise en demeure du CSA. Je n'en fais plus. J'ai décidé d'arrêter. Arthur, est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle ? Qu'est-ce que tu voudrais faire mercredi ? Bah, les Astérix avec vous. Bah, combien vous serez ? Deux. Ça va, deux, le gars, il ne demande pas beaucoup. Deux, s'il vous plaît, puis on ne fera pas beaucoup de place. Arthur, tu seras avec nous au Parc Astérix. Merci, énergie. Il y en a plein d'autres comme toi qu'on va choper tout le week-end sur notre Twitter et tout, et qui seront au Parc Astérix. Ils vont passer la journée faire les manèges et le soir, le show avec nous tous. C'est Black M. Restez là, on revient dans deux minutes. Tous les matins, avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. C'est comme ça. La Confédération internationale de la pêche a déposé sa candidature pour que la pêche devienne une discipline olympique. Ah bon ? Ah oui. C'est-à-dire que déjà qu'aux Jeux olympiques, il y a des sports, tu te fais chier quand ils courent. Ouais. Là, regardez 3 heures des mecs qui ne bougent pas et qui ne font aucun bruit. T'imagines les commentaires ? Oui, c'est... Ah, ça y est, ça mord. Ah non. Ah si. Ah non. Rendez-vous lundi, 6h-9h30 sur Énergie. Carrefour. Bah chérie, c'est quoi tous ces produits de beauté là ? Bah, en ce moment, Carrefour fait place à la beauté, alors moi aussi. Parce qu'il y a plein de promos sur des centaines de produits de marque. Par exemple, 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis. Mais du coup, j'ai plus de place. Oh, t'exagères. Jusqu'au 24 octobre, Carrefour fait place à la beauté avec des promotions sur des centaines de produits de marque. Par exemple, profitez de 40% de remise immédiate sur le lot de deux shampoings Garnier Fructis dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive. 2 x 250 ml, voire produits concernés dans votre catalogue disponible sur carrefour.fr. Carrefour. Petit message. Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 108 Style, la citadine compacte, avec climatisation, radio Bluetooth et projecteur anti-brouillard, à un prix très compact. Pendant les immanquables Peugeot, la 108 Style est à partir de 99€ par mois, avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. Portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Vous êtes invité par Énergie. Énergie. À la Énergie Live Session de Shawn Mendes. What's up guys, it's Shawn Mendes. Shawn Mendes. En concert privé Énergie. Le 21 octobre au Flow à Paris. Oh là là. Gagnez maintenant vos invitations pour ce concert unique sur énergie.fr. Énergie. Numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, dance. Tout doit disparaître chez Conforama. Vous avez jusqu'au 25 octobre pour profiter jusqu'à moins 50% sur une sélection de meubles, déco et électroménagers. Par exemple, la banquette BZ Céline est à 199,50€ seulement. Eh oui, c'est incroyable. Alors, qui fait mieux ? Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions sur conforama.fr. Étudiants, apprentis, l'année de vos rêves est déjà dans votre box all inclusive Société Générale. Un an de transport gratuit, de loyer, d'études à l'étranger. À vous d'imaginer votre box all inclusive. Vous avez jusqu'à 16 000€. Une box à gagner chaque semaine sur boxallinclusive.com pour une année de folie. Jeu avec tirage au sort jusqu'au 16 octobre 2016. Règlement sur le site. All inclusive égale tout compris. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Warcraft, le commencement. L'adaptation du célèbre jeu vidéo en Blu-ray et DVD. La Horde et l'Alliance s'affrontent dans un déluge d'effets spéciaux et de batailles spectaculaires. Nous protégerons le royaume. Choisissez votre camp. Warcraft, le commencement en Blu-ray et DVD.

Incroyable. Une pièce, enfin, un cône. On dirait un cône de signalisation. Ouais, c'est ça. C'est, oh, c'est bien. Bravo. J'aurais rêvé de faire ça étant en son âge. Ah, t'aurais jamais pu. Jamais. Va mettre un casque de moto là. Ah, ouais, il peut pas. C'est chaud. Il a un casque avec un trou. Ah, sécurité, oui, mais le look d'abord, monsieur l'agent. Bon, ça on va fait un bisou à Coralie. Bienvenue, Coralie. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, ça Coralie. Va bien. Ça va, ma chérie. Bienvenue chez nous. Oui. Ça me fait plaisir de t'avoir. Merci. Au téléphone, Coralie. Coralie, vu que ce soir ou demain, on va voir si elle est prête, on va balancer la vidéo de Range ta chambre. Elle est comment ta chambre à toi? Ça va. Je lis un peu. Enfin, voilà, ah, mais nous, un peu de bordel. Nous, ce qu'on a vu chez la demoiselle chez qui on est allé, ça n'était pas que le lit. Je crois qu'elle ne voyait plus la couleur de son parquet depuis quelques temps. Ah, on a non, moi, ça bon va moment. Sur ça. Le rangement, ça va. Je suis bien organisée. Bon, tu m'as envoyé un mail, tu me dis j'ai 18 ans. Ah, dis donc, t'as une toute petite voix pour 18 ans. Oui. Je suis très jeune. Petite, hein. Ah bon. J'ai une phobie scolaire sociale, je suis en dépression. Ah merde. Alors ma mère, avec mon accord, a prévu un rendez-vous avec un psy. J'aimerais avoir des avis. Est-ce que ce sera une bonne solution? Pourquoi t'es en dépression, ma petit chou? En fait, c'est la phobie scolaire plus sociale. Enfin, je suis vraiment toujours chez moi. Je sors pas. J'ai du mal à prendre les transports en commun. Et voilà, du coup, en fait, je pleure tout le temps dès que je sors. Oh là là, attends, on va s'en parler. Attends, ma chérie, déjà, là, tu pleures pas. On en parle dans deux minutes, d'accord? Je stresse, c'est pas ça. Ne stresse pas, il n'y a pas de raison. On en parle juste après DJ Snake, d'accord? Hein, je vais te détendre, moi. Ça va aller, tu vas voir, bouge pas. Ça marche, là. Non, ça va. Tu vois, regarde, ça commence à sourire. C'est la technique, ça. Ouais. La technique de la main dans une chaussette, là, tu fais. Ouais, ça regarde, hop, ça fait sourire. On en parle après DJ Snake, ma belle. D'accord. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Together. demoiselle qui a besoin de vos applaudissements. Il faudrait qu'il y ait des gens qui quand tu vas pas bien, des fois il faudrait que tu fasses une émission comme on a la chance de faire. Viens chez toi. Savez, moi des fois, mais moi des fois, j'ai pas la patate. Des fois, on a tous des problèmes dans notre vie. Des fois, j'ai des trucs. Et ben, vous savez quoi? Faire une émission ou faire un one man, c'est vrai. Je vais être honnête avec vous. Et ben, ça me fait du bien. C'est vrai qu'on est toujours obligé d'avoir le sourire. En non, fait. Mais alors, évidemment que vous attendez. Si un jour j'arrive derrière le micro et vous me dites ça va, Coco, je suis oh non, je les emmerde. C'est vrai, hein. C'est chier. Ben non, vous diriez oh, il est chiant avec son émission. Voilà, moi, et ben, des fois, quand ça va pas, le fait d'avoir du public qui applaudit, qui rigole, et ben, ça me fait kiffer. Ça fait du bien. Ça c'est fait pour du bien. Ça que t'en prends des gens chez toi qui t'applaudissent. Ouais, c'est pour ça que maintenant j'ai pris le premier rang ce soir, ils viennent chez moi et ils applaudissent. Au réveil, ils sont là au réveil, au taquet. Non, mais le one man, c'est pareil, c'est un kiff à chaque fois. De voir les gens sourire, ben ça fait du bien. Bon, on va s'occuper de Coralie, 18 ans, elle pleure dès qu'elle sort chez elle. Oui, mais il y a une raison. Très d'angoisse. Ma petite chérie, il y a une raison. Il y a un truc que t'assumes pas. Je pense que c'est le regard des autres. Et en fait, c'est dans mon enfance, il s'est passé des choses pendant le divorce. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vraiment perdu confiance en moi en fait pendant le divorce. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le divorce? Il y a eu, en fait, mon père était, enfin, j'ai été battue. C'était, pour moi, c'est, enfin, je trouve pas ça bad parce que, enfin, je pense qu'il y a toujours eu pire que moi. Par mon père. T'es maltraitée, quoi. Oui, voilà. Et c'est surtout, en fait, moral. Ça n'a pas été. Ah oui, c'est-à-dire, tu veux dire que c'était, ça te rabaissait, c'était des. Ouais, voilà. Oui. Et donc, ma mère et ma soeur s'en sont bien sorties, en fait. Elles ont eu du mal aussi. Mais elles s'en ont bien sorties. Et moi, bah, voilà. Et physiquement, tu t'assumes bien? Pas trop, non. Ah, bah voilà, ça dépend. C'est-à-dire, voilà. Tu te trouves comment? Si tu devais te décrire, tu dirais quoi? Bah, grosse, quoi. Ouais, grosse. Ouais, mais enfin, si tous les gros, ils sortaient plus de chez eux, ma chérie, il n'y aurait pas grand monde dans la rue. Ça, hein. Je suis complètement d'accord. Non, mais, tu vois, il y a un moment donné, le regard des gens, il a quand même changé sur les. Tu mesures 1m combien pour combien? Je mesure 1m52 pour 65 kilos. Ouais, ça va, tu fais pas 110, tu fais pas 130 kilos non plus, ma chérie. T'es pas grosse, t'es ronde. Voilà, t'es ronde, oui. Même, je d'accord, dirais. Oui. T'es ronde, mais le fait de rester chez elle, ça va pas arranger alors, les choses. Hein. Pietre, il a raison. Ouais. Le fait de rester à dévorer des tablettes de chocolat ou des Kinder, ça va pas t'aider à passer sous les 60 kilos. Parce que quand même, il y a un moment donné, il faut marcher un peu, il faut faire un peu d'exercice, faut. Et t'as pas de copine? Ah non, ça sort pas. Bah non, ça sort pas, va pas en avoir. Ouais. Parce que tu sais, c'est un cercle vicieux. Si t'es pas bien, tu sors pas. Si tu sors pas, tu te fais pas d'amis. Tu te fais pas d'amis, t'es toute seule. Et comme t'es toute seule, pourquoi tu sortirais? C'est vrai. Donc tu te rends compte qu'à un moment donné, c'est comme les gens qui rencontrent personne et ils ont pas de femme ou ils ont pas de mec, mais ils sortent pas parce qu'ils veulent pas sortir tout seul. Bah si tu sors pas, bah tu rencontreras jamais quelqu'un et tu seras toujours tout seul. Et t'es sur les réseaux sociaux ou pas? Oui, ça va, oui. Et t'as des copains sur les réseaux sociaux? Bah après en fait c'est des anciens que je vois plus en fait, des fois ils me proposent des sorties et tu dis non et tout, mais voilà, je dis non. Et pourquoi tu dis non? Tu les connais? Oui, mais justement en fait j'ai du mal à parler avec les gens que je connais, mais avec les gens que je connais pas ça va. C'est bizarre pour une famille sociale, ça quand même. Ouais. Mais justement tu peux te en fait faire quand des je les vois trop souvent. C'est les voir trop souvent, je pense, je sais pas. Oui, mais il y a une différence entre les voir trop souvent et les revoir un petit peu pour un ciné, un truc comme ça. Fais-toi des fois des petites soirées où t'as pas besoin d'être en tête-à-tête pendant des heures. Le cinéma, c'est bien pour ça. Tu te vois avant, tu bois un petit verre, tu manges un petit truc devant le cinéma ou tu prends des pop-corn. T'as pas besoin de discuter pendant le film. À la fin, ça va, c'était bien, c'était pas bien. Hop, chacun rentre chez soi. Non, mais c'est vrai. Si tu nous proposes un ciné, ça veut dire que tu te fais chier avec nous la soirée. Non, je trouve que le cinéma, c'est un bon plan intermédiaire, mais même pour ceux des fois qui sont un peu timides, qui veulent sortir avec leur première copine. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as peur de. Il n'y a rien de pire que le face-à-face dans un bar. Ouais. Tu sais pas quoi dire quand t'es timide. Hein. Mais le cinéma, c'est un bon truc, parce que t'as toujours des sujets de conversation. T'as aimé le film, tu veux des pop-corns, et puis une fois que le film a commencé, en théorie, tu peux. Et tu peux attaquer parce qu'il fait son bras. Et tu peux éventuellement mettre ta main autour du truc, et si tu t'en prends une, personne ne l'a vu. Voilà, c'est ça, t'as pas l'air. Si t'entends un truc, tu fais oh là là, c'est dans le film. Okay, non, mais c'est pratique le cinéma pour les timides. C'est vraiment pratique. La sortie en tête à tête, rendez-vous au McDo à 15h, il y a du monde partout, faut parler, c'est long, hein. Ça va être compliqué. Hein. Non, mais c'est surtout si elle a des copains qui lui proposent de faire des trucs, faut que tu y ailles, ma chérie. Ouais, je sais, mais je sais pas. En fait, je commence à pleurer. En fait, je dis oui. Et après. Et arrivé sur l'heure, en fait, je me dis, mais pourquoi j'ai dit oui? Et pourquoi, de quoi t'as peur? Indépendamment du fait que t'as pas envie de sortir de chez toi. Bah, en fait, je sais pas vraiment. Enfin, j'ai pas quelque chose qui me fait vraiment peur, en fait. Enfin, je sais pas vraiment. C'est des crises d'angoisse, tout simplement. C'est un blocage. Ouais, ouais, voilà. C'est... Moi, je pense qu'il. Je sais pas. Après, c'est très bien que ta mère ait pris rendez-vous avec une psy. C'est très, très bien. Oui. Parce que tu vas voir quelqu'un en théorie ça va sympa. T'aider, ça va l'aider. Avec qui tu vas. Qui est son vrai métier. Nous, on est des. On discute, mais ce sont des vrais trucs. Mais à mon avis, il faut que tu te trouves un petit truc qui va te redonner confiance en toi. Oui. C'est une petite marche, une petite marche, un peu de sport, un peu de rameur à la maison. Du théâtre, c'est peut-être un peu exagéré tout de suite, mais tu sais le théâtre, quand tu fais On avait essayé, j'avais essayé. Et alors ? Bah, faisait qu'il y a des dramas, elle pleurait tout le temps. Elle jouait bien, là, elle pleure. Et quoi ? J'y suis allée à deux séances et après, bah, fallait monter sur scène. Oui, mais en théorie, y a les profs qui ont un peu l'habitude, ils te font pas monter tout de suite. Où ils te font pas jouer un truc tout de suite. Moi, je vais te dire un truc, j'ai beau faire un one man et être sur scène et tout, moi tu m'aurais à ton âge, enfin à 18 ans peut-être pas, mais un peu avant, tu m'aurais dit va sur une scène, va jouer devant les autres, mais moi je me fais dessus. C'est hyper difficile. Moi, tu sais, j'ai plus de facilité à aller jouer devant 3000 personnes que de monter devant 10 personnes pour faire un truc. Mais c'est un peu ce qu'elle explique aussi. Hein. Du coup, faut que tu te fasses un Bercy, chérie. Ouais. Moi, je pense qu'il faut que tu réunisses ton premier théâtre, c'est Bercy. Tu habites où ? Elle habite où ? À Villiers-sur-Orge dans le 91. Eh ben, viens nous voir. Ça peut être une première étape. Ah, mais tu chiales pas tout le long, hein, sinon ça va pas le faire. Hein. Mais non, mais t'essaies de venir nous voir et tout. Il y a le public qui applaudit. Ça peut être son premier. On peut lui faire faire quelque chose, peut-être. Ça peut l'aider. Eh, viens nous voir. Ouais. Viens nous voir. On te fait un bisou. On te remonte un peu le moral déjà. Et puis voilà. C'est gentil. On te mettra derrière un micro. Tu t'annonceras. Tiens, il y a quoi qui arrive dans un instant ? Shawn Mendes, tu t'annonces. Mais si, c'est vachement bien. Ça va t'aider. Bon, attention, je lance un message à tous ceux qui m'écoutent. On va pas accueillir non plus tous les dépressifs de France. Hein. Parce que la seule fois, on va se retrouver avec un public de gens qui font « Moi non plus, je vais pas bien. Moi non plus, je vais pas bien. » Non, mais ça l'aiderait à avoir du monde et tout, en plus. Et puis, tu sais ce que t'as fait là ce soir ? Il faut en parler. Il n'y a rien de pire quand on va pas bien que de faire croire aux gens qu'on va bien. Je suis sûr que tu iras mieux déjà après le coup de fil. Le passage. Oui. Et bouge. Oui. Sors un peu, fais une petite marche, fais un truc. Il y a des kilos en trop, t'as 18 ans, tu vas les perdre en 2 secondes. Oui. Alors que si tu restes chez toi devant télé à boulotter, ça va s'aggraver. Et dans 2 ans, tu feras du pole dance. Voilà. On t'offrira la barre. Voilà. Bon, je te fais un gros bisou, ma belle. Je t'embrasse. Au revoir. Tu viens nous voir, hein ? Oui, promis. T'as intérêt, hein ? Et tu nous feras pas le plan 10 minutes avant l'émission de oh, j'ose plus venir. Non, d'accord ? Non. On t'attend. Non. Fais un gros bisou. Oui. Moi, je ne commence pas l'émission lundi tant que je ne sais pas quand tu viens. C'est ça. D'accord. Je te dis tout de suite. Je vous donne une date. Lundi 19h, je ne serai pas à l'antenne si je ne sais pas quand Coralie, Loris, tout ça, vous notez. Ah ouais, c'est noté. D'accord. Je te fais un gros bisou, ma chérie. Merci. T'as entendu le branleur derrière. Ouais, c'est noté. Bisous, ma Coralie, à bientôt. Au revoir. Ciao, ma belle. Porte-toi bien et passe un bon week-end. Ce soir, c'est une émission spéciale. Lui, on vous prépare une surprise. Peut-être. Ah non. Si peut-être. Carrément. Avec oui. Shawn Mendes. Je vous en dirai plus. Ça non. Oui. Ah si bien sûr. D'accord. Oui. Bon. Oui oui. Non que je m'organise un peu aussi. Oui. Donc ça a l'air bien parti pour une surprise. Oui. Avec Shawn Mendes. Mais je vous en saurai plus. Écoutez nous. I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. Stop time for you. The second you say you'd like me to, I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you would be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves. Gentlemen, tell me why are we wasting time on all your wasted crown when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can, better than he can, you down. Cause I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you sur Énergie. Ouais. On est tous sur Énergie. Sarah Larsson sera là tout à l'heure. Mais dans la série, tout le monde met une petite annonce de merde au moins une fois dans sa vie. Oh, j'ai pas la petite annonce. Où est la petite annonce de merde? Je non, mais dire... déjà, il faut qu'on en parle. Non, mais attendez. Qu'on exercice le, non, mais le je dossier vais quand même depuis vous expliquer, début, là. Je vais vous présenter Stouf. Ça va, ma Stouf? Stouf, il y a trois jours, nous trouve une petite annonce de merde. Écoutez-moi bien, je vous l'explique. Et elle nous dit, qu'est-ce que tu avais trouvé il y a trois jours? Une bite masse pleine. Voilà. C'est-à-dire, c'est quoi? Une bite masse pleine. C'est, bite. Vous savez, les bites d'amarrage de oui. bateau. Ah ouais. Oui. Les trucs en bois dans les ports. En, ça s'appelle en... comme ça, oui. Bah, ça s'appelle une bite d'amarrage, oui, c'est oui. le nom. Mm. Et donc, Julie, tout de suite, très CSA dans l'âme, ah bah, hein, dit enfin, ça, hein. enfin, trop tôt, on ne va pas faire un truc sur une bite d'amarrage. Donc, non. Vous avez vu quand même à quel point on censure. Ouais. Même les mecs qui vendent des bateaux ici, ils ne peuvent plus parler. Hein. Ouais, bonjour, je vends des ouais, bonjour, je vends des bites d'amarrage. Ah, dégagez, monsieur, c'est pas avant 22h30. C'est choquant hein. C'est choquant, monsieur. Mais c'est mon métier, c'est pour accrocher des bateaux. Non, monsieur, changez de nom. T'as pas entendu, elle a dit, il en vendait 4 en plus. Ouais, bah, ouais, bah non. Et bah, on lui a dit non. On lui a dit non, c'est fini, il faut que tu viennes avec un truc plus fin. Voilà. Je vous présente. Sauf que Stouf. Stouf est donc revenu avec à vendre une belle pipe en bois. Ah, d'accord. Ah, non, mais c'est Stouf. Qu'est-ce qu'il a là, elle a des besoins en ce moment. Elle est, il va falloir comme ça, qu'on l'aide, les gars. Ouais, il faut lui trouver un mec. Mais toi, vraiment, on va te mettre, en a un déjà. On va te mettre un traitement, toi. Non, mais. Ah bon? Tu veux des trucs originaux, je te les amène. T'as un mec, toi? Enfin, il est temps que son mec s'en occupe, c'est ça que vous voulez voilà. dire voilà. Ouais, il est temps que vous remettiez le couvert, hein, parce qu'il y a des trucs qui vont plus là. Bon, on y va, appelle-moi le monsieur. Je rappelle le principe, si jamais la personne dit c'est de la merde, on lui dit bah oui, si c'est de la merde, merde on vous la l'achète pas. Faut juste qu'elle reconnaisse. Elle a quoi de spécial ta pipe? Taillée, elle est en bois. Je sais pas, putain, y'a rien de drôle. Mais regarde, il y a des L'enfant. Trucs dessus. Non, mais l'autre, elle entend le mot pipe. On la tient. Allô? Allô? Allô? Allô? Bah faut parler dans le téléphone. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bah pourquoi vous parlez pas? Ça fait 4 fois que je dis allô. Ah, j'avais pas entendu, excusez-moi. D'accord, bon je vous appelle, bonjour madame. Oui. Je vous appelle, qu'est-ce que c'est que cette voix? Je vous appelle pour la pipe madame. Oui. C'est vous? C'est moi, oui, qui vend des pipes. D'accord, elle a l'air très très belle. Elle est très très belle, un beau dragon. D'accord, mais vous avez un problème de voix? Non, du tout, c'est ma voix, pourquoi? D'accord, non mais j'ai l'impression de parler à Jean-Marc et à Jeff Panaclock. Mais voilà, non non, c'est étonnant. Elle est en quelle... Comment? Je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Je disais, allez, c'est étonnant, c'est une très belle pipe. Tout à fait. Voilà, alors, monsieur ou madame, pardon, je... Madame, madame, oui. D'accord. Vous êtes habité par quelqu'un, non? Vous avez... Comment? Avez-vous subi un exorcisme ces 5 dernières années? Il y a quelqu'un qui a une main dans vos fesses. Non, du tout. Vous êtes sûr qu'il n'y a, a personne qui a les mains dans vos fesses pour vous faire parler en même temps, non? Non. Mais j'aurais bien voir ta bite. C'est, mais c'est quoi cette connerie? C'est une blague. J'aurais bien voir ta bite. Allô? Allô? Ben non, vous ne la verrez pas. Mais je savais pas que je vais pas me parler comme ça. Mais c'est qui? Mais c'est quoi? Je raccroche, c'est des conneries. D'accord, vous raccrochez parce que c'est des conneries. Il a raccroché parce que c'est des conneries. Ah oui, très bien. C'est ça, en fait. C'était donc le mec de l'annonce. Ouais, c'est ça. D'accord, en fait, donc les mecs maintenant se font des vannes alors qu'ils vendent des objets. C'est ça. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire, le gars il vend une pipe et quand quelqu'un l'appelle pour une pipe, il fait ouais, mais ouais, une pipe, ouais, c'est moi qui vends une fait, pipe. En fait, vu que ça fait 2 fois qu'on l'appelle, oh, du coup, bah le oui, gars, les gars ils croient que c'est une vanne. Mais oui, mais c'était pour être sûr de l'avoir. Ah bah attends, elle a voulu sa pipe, hein. Ne voyez pas là-dedans, évidemment je m'adresse aux gens du CSA, un sens contraire à celui de ce bel objet en bois sculpté fabriqué par les gens de nos provinces, comme voilà, Jean-Pierre Pernaut. Rappelle-le et énerve-toi en disant je veux vraiment vous acheter votre pipe, arrêtez avec vos conneries. On a parlé tous en même temps là. On a tous parlé un tu peu crois qu'il a crié, qu'il a grillé. Julie, tu sais quoi? Nous allons l'appeler et tu vas t'énerver. Okay. Voilà. J'ai envie de voir comment tu vas t'énerver en jouant bien en disant oui monsieur, je voudrais ma pipe. C'est attention, combien, attention. Combien écoute. Julie s'énerve, acte 1. Je t'emmerde. Ah les insultes. Pas avant 22h30. Allô? Oui, on a été coupé. Allô? Allô? Bonjour, allô? Y a quelqu'un ou pas? Allô? Oui, oui, vous avez quelqu'un? Je vous appelle pour l'annonce que vous avez mise sur le Bon Coin. Oui. Pour acheter la pipe que vous avez mise en photo en bois. Ouais. Que fais-je, toi? Pardon? Est-ce que tu cherches? Non, mais ça va pas ou quoi? Que fais-je? Pas avant 22h30. T'as plus de dents. Il a mais vous avez vrillé? Mais tu viens, tu vois. Non, mais excusez-moi, je vous appelle sérieusement là. Je recherche une pipe pour mon grand-père. Je viens, je m'appelle Monsieur Lucas. Mais comment vous pouvez me parler comme ça? Oui, venez. Venez me voir. Le mec est en train de craquer, je crois. Je crois qu'il craque là. Je crois qu'il se rend compte. On est, je suis avec mes cousins et on cherche une pipe en bois pour l'anniversaire de notre grand-père et vous, vous vous permettez de rigoler comme ça et nous faire une vanne. Un cousin. C'est pas drôle? Vous la vendez cette pipe ou pas? Non mais sérieusement. Oh putain, elle s'énerve bien. Il fait flipper le gars. Et là c'est les dossiers Warren, c'est la poupée. Eh mec, Annabelle. Sérieusement la tu la vends ta pipe ou quoi? C'est combien la pipe? Bon allez. Tu voulais le dire depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, c'est plus il y a que ça que tu voulais faire. Bon, viens, on lui dit. Peut-être il avait qu'une vanne qui voulait savoir. C'était c'est combien la pipe? Dis-lui qui t'es, peut-être qu'il va arrêter de faire le. Non. Bah écoutez, monsieur. Non bah c'était Monsieur Coyon, on voulait vous acheter votre pipe, on voulait savoir à combien elle était. Mais dites-nous que c'est de la merde, qu'on est dans notre chute. Ouais comme ça. Si vous pouvez nous dire c'est de la merde, mais même avec la voix bizarre, ouais. C'est de la merde. Vous pouvez nous dire ça s'il vous plaît? Allô? Allô? Chelou quand même. Le gars est ouf quand même. Il est chelou, hein. Il y a plusieurs personnes en lui quand même. En même temps, on a dû. Il y a plein de gens qui ont dû lui faire une vade des vannes. Non. Moi, je suis schizophrène. Il est schizophrène. Eh, hey, tu fais flipper, mec. Hein. Ouais. Bien, on va vous laisser alors. Si je vais venir chez toi ce soir. C'est vrai. Non. Je suis ta mère. Non. Comment tu t'appelles? Satan. Satan, oui, les gars. Ouais, évidemment. Bon, eh ben, ça, alors, écoute. Voilà, pas de vanne. Bon. À bientôt avec il votre... s'appelle Nicolas apparemment. Monsieur Nicolas, on vous embrasse avec votre pipe. Nicolas, c'est l'alcool. À bientôt. Gros bisous. Ouais. Il passe des bonnes soirées. Il passe des bonnes soirées. À bientôt. Il y a des bons trucs sur le coin. Bisous. J'aurais bien aimé qu'il nous dise c'est de la merde. Bah ouais, c'est dommage. Vous voulez pas nous dire c'est de la merde, monsieur? Allez, dites-le nous Nicolas, pour faire plaisir. Nicolas, dites-le, c'est de la merde. Bon, je vais gagner du temps. C'est de la merde. Ah bah c'est de la merde. On vous l'achète pas. Elle me dit qu'elle est fatiguée. Elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer, c'est plus la peine de continuer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court, pour tout ce mal je suis désolé, encore une fois j'ai tout gâché, mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais à coup pas. Elle m'a fatigué, c'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, je sais pas comment lui expliquer, un jour je finirai par me barrer, mais c'est le temps qui court, court, court, court, court, mais c'est le temps qui court,

d'ailleurs, qu'est-ce que vous allez faire ce week-end, l'équipe? On aura Zara Larsson qui sera notre invitée dans un instant. Peace together. Julie, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Je vais réviser le code, Coco. Hein. Faut qu'on s'y mette, c'est mercredi prochain. Hein. Hey, c'est pas mardi? Non, on passe. Non. Mercredi. Ah, mais je peux pas. Ah, vous trompez pas. Si oh, attends, déjà, on a décommandé la dernière fois, t'étais malade. Mercredi? Les pauvres, la poste, mais ils non, nous attendent c'est là. Pas mercredi, on est au parc Astérix. Eh bah oui, bah le matin, on passe le code. Oh, voilà la journée qui a rien à voir l'un avec l'autre. Ouais. Code, tu t'es pris bien un bon 12 fautes dans la gueule et tu vas faire le parc Astérix. Mais non, mais tu vas la voir. Ambiance de merde. Tu vas être de bonne humeur au parc. Je vais être de bonne humeur. Hein. J'avoue. Tu verras passer le train, ça fera enculé. Ah non, parce que je vous préviens. Et tu révises un peu ou pas? Non, mais j'ai pas le temps. Moi non plus, je révise une fois de temps en temps, je fais 11 fautes, je l'aurais jamais. J'ai pas fait mieux, j'ai pas fait mieux. Donc on va le passer le code. J'ai vu passer plein de gens de messages qui disent alors tu l'as eu, donc c'est la semaine prochaine. Oui, c'est mercredi prochain, mercredi matin. Vous emballez pas, hein, la réponse, je la connais à l'avance. Par contre, je demande vraiment, mettez un pare-balles au mec qui viendra nous annoncer les résultats. Hein. Blindez-le, hein, blindez-le, hein, parce que. Mais tu vas l'avoir. Non, non. Je suis sûr que tu vas l'avoir. Moi, je l'aurai pas et toi, tu l'auras. Impossible. C'est obligé. Impossible. Après, il y a des questions tellement tordues, franchement. Les amis, je suis tombé sur une question. Ah, vas-y. Mais je m'en souviens même pas de tête. C'est si jamais tu roules à 30 km/h au lieu de 50 km/h et que tu percutes un piéton. De combien il a-t-il les possibilités? Tu n'as même voilà. Plus de la question. un pourcentage de survie. Ah ouais. Et là, ces gens, ils proposent 30, 40 ou 50. Qu'est-ce que ça faut juste la prendre par cœur dans les livres. Je crois que c'est 45%. Mais il n'y a pas tout dans le code. D'abord, le code Rousseau. Alors, excusez-moi, c'est juste de la merde en barre. Parce que je l'ai acheté, j'ai dépensé de la thune. Dans le bouquin, il n'y a pas les trois quarts des questions. C'est vrai, t'as raison. Alors, les mecs du code Rousseau, c'est bien de vous branler la nouille avec vos stationnements interdits, mais vous feriez mieux de le réactualiser. Il y a des trucs sur les points où tu te fais enlever tes points, à combien de points? Il y avait des questions sur le nombre de points, mais qu'est-ce que. T'apprends ça par cœur. Et à côté de ça, t'as des questions débiles. Moi, j'ai eu des questions où s'il fait chaud dehors et que tu dois aller faire une course, est-ce que tu laisses ton enfant avec la clim à l'intérieur? Est-ce que tu laisses ton enfant avec les fenêtres ouvertes à l'intérieur? Ou est-ce que tu prends ton enfant? Tu prends ton enfant. Bah, tu le prends. Bah oui. Non, mais c'est comment tu peux poser des questions comme ça? On peut pas le laisser dedans en fermant les fenêtres avec un berger allemand qui a très faim. C'est pas possible. Bon, dans un instant après 21 Pilots, qu'est-ce qu'on fera, Julie? Ah, le Jean-Fan de Jean-Claude Van Damme. Le fameux. Vous avez été nombreux à nous le redemander. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Ah mince. Massimo. Le fan de Jean-Claude. Yataka. On en parle après. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man. But literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling. So I'm taking my time on my ride. Thinking too much. Massimo ? Oui. Ça va ? Allô ? Oui. Oui, c'est parce que j'ai un problème avec mon téléphone. Si c'est masqué, faudrait peut-être regarder à l'occasion. Tu vas bien ? Oui. Oui, ça va. C'est encore toi qui as appelé hier ? Non. Oui. Bon, j'ai un truc à te dire. Oui. J'ai rencontré quelqu'un. Tu te souviens quand je t'ai dit de plus venir à la maison, que je t'ai mis dehors et tout ? Oui. C'est parce qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Voilà. Je suis pas d'accord, là. Mais tu m'avais dit que je pouvais faire ma vie et tout, donc bah voilà, maintenant je te le dis, je suis passée à autre chose, je n'osais pas te le dire, je te le dis maintenant. Voilà. Bah, ça va pas, ça. Hein. Moi, tu lui dis que je ne supporterai pas plus longtemps que tu restes avec. Tu lui dis, hein. De toute façon, écoute, Massimo. Plus de contact. Massimo. Il m'a dit qu'il fallait que tu prennes tout ce qui reste chez, toi, chez moi. Prends son bordel et repars. Oui, avec je lui dis, deux minutes. Oui, je sais, je lui dis. Je lui dis. Massimo, sérieusement, il faut que tu viennes reprendre tes affaires. Il vient au téléphone, là. Avec ces conneries de Jean-Claude Van Damme, de mec, vas-y, dégage d'ici. Dans le c'est qui, cette personne derrière toi, là? C'est mon copain, il veut que j'enlève tes affaires, donc il faut que tu viennes. Tes affaires, elles dégagent ou elles brûlent, hein. Elles brûlent, je te dis tout de suite, elles brûlent. Oui. Oula, j'ai peur, franchement. Ou tu es clair et net ou je le fais, hein. Tu te débrouilles. Mais il est de la campagne, ce gars, ou quoi? Tu te débrouilles. Tu dis qu'il a refermé. Déjà, parle pas comme ça de mon copain. Tu parles de lui campagne, excuse-moi Jean-Claude Van Damme, tu crois que c'est mieux? Ouais, bah, la grande rigolade. Je préfère Jean-Claude Van Damme. Hein. La grande rigolade, Jean-Claude Van Damme. Je préfère Jean-Claude Van Damme. Ah ouais, c'est ça. Tu viens chercher tes affaires? Il se dépêche plutôt que de faire des conneries dans la rue, il a l'air d'un con sur ses vidéos là. Mais tu aimes partir, c'est qui ce con au téléphone là? Jean-Claude Van Damme, mais il lève le. Je t'ai dit, c'est mon mec. À part shooter la découverte. Massimo, je rigole pas, ça fait 3 mois que je suis avec, ça fait 3 mois que je m'envoie en l'air avec. Ah, oui. La petite, si elle dit papa, c'est parce qu'elle lui dit papa à lui, hein. C'est pas parce qu'elle le dit à toi. Ah, c'est pour ça qu'elle me dit plus papa à moi. C'est pour ça, voilà. Ouais. C'est pas au courant ça, mais bon. C'est pas une blague. Eh non. Ok, viens chercher ses mères, il se dépêche. Jean-Claude Van Damme, allez viens. Ouais, pour qui je prends ces gars là? Ça kick et tout, vas-y. La merde, Jean-Claude Van Damme. Faut que tu viennes chercher tes affaires. Rien ne vaut Jackie Chan, ça c'est de la carte. Mais j'ai pas d'argent pour chercher mes affaires, je sais pas comment je dois faire. Moi. Jackie Chan, je connais plus chemin. Pour venir à ma porte la nuit. Ah, il y a du monde, il y a du monde pour venir la nuit, il y a du monde pour faire chier les gens qui dorment, il y a du monde, hein. Ah, là, je suis à la salle de sport. Faudrait que tu arrêtes avec tes appels parce que la nuit, nous, on n'a pas que ça à faire. Dis-lui qu'il remette des poids, qu'il s'allonge les jambes, hein, sinon il n'y arrivera jamais. Franchement. Mais il sort de où, ton gars là? Ça te regarde pas. Jean-Claude Van Damme. Ça me regarde pas. Quelle rigolade, Jean-Claude Van Damme. Non, personne n'arrivera au niveau de Jackie Chan. Personne. Jean-Claude Van Damme, c'est de la merde. Allez, c'est parce qu'en fait, je lui ai montré tes vidéos, vu que tu en as rien à foutre, que moi je me tapais la honte de. Quelle vidéo? Quelle vidéo? Dans la rue. Ben, tes vidéos, Jean-Claude Van Damme, et puis les autres, là, où tu fais ton grand écart avec ton ongle incarné, tu te souviens? Ah oui. Je me souviens plus. C'est encore tourné hier, et encore là tantôt chez une de mes copines. Ah, le grand écart avec l'ongle incarné, il a bien l'air d'un con, hein. Alors ça. Non mais moi je suis occupé à m'entraîner, faut pas m'ennuyer avec ça. Attends, je prends le téléphone. Je prends le téléphone. Allô. Eh, tu viens chercher tes affaires, hein. Jean-Claude Van Damme. Tu viens chercher tes affaires et tu te dépêches, hein. Ça ne saurait que trop durer. Tu viens ou je te les brûle, je les jette par la fenêtre, tu viens. Non, moi je suis occupé à m'entraîner, j'ai autre chose à faire. Bah, visiblement, il fallait t'entraîner avant de faire la vidéo. Je suis sur des projets de films. Là. Vas-y. Je peux pas me couper en deux, monsieur. C'est Meet Hollywood. C'est quel film? Qu'est-ce que tu fais comme film? Vas-y, c'est quoi? Eh ben, j'ai été sélectionné pour Panda 3. Pour Kung Fu Panda 3? Panda 3 avec Jean-Claude Van Damme qui va diffuser le 27 avril 2017. Mais il y a déjà eu Panda 2. Vous savez, Kung Fu Panda Walt Disney. Tu vas faire Kung Fu Panda? C'est Panda 3. Panda 3, qu'est-ce que c'est? Attends, dans le 2, Massimo, il y a Jackie Chan. Massimo. Là, oui. Ça, c'est de la qualité. Viens chercher tes affaires, sérieusement. Viens chercher tes affaires. Non, je peux pas venir, là, j'ai un entraînement urgent. Arrête, là, je déconne pas, je te jure que je jette tout par la fenêtre maintenant. T'es un gros mytho. Je te le jure, je te le jure. T'es un mytho, pendant trois. T'es un mytho. Mais tu peux l'acheter, c'est pas un souci. Hein. Moi, j'ai mes castings. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans Panda 3 Qu'est-ce que tu vas faire dans Panda 3 Pardon Qu'est-ce que tu vas faire dans Panda 3 Panda 3, je sais pas, je vais avoir. Je sais pas quel rôle je vais avoir, mais je vais avoir un rôle important. Quoi. Comment Massimo, ça fait trois mois que je suis avec, il a vu toutes tes vidéos, enfin, mais attendez. Même lui, il le dit. Excusez-moi, Panda, Kung Fu Panda, c'est un dessin animé. Pardon ? C'est un dessin animé. Non, c'est un film. Ah bah alors, il n'y a pas eu le 2 ni le 1, alors, hein, parce que Kung Fu Panda... Il y a eu le 1, le 2, maintenant le 3, après on va passer au 4. Moi, je suis, oui, et puis le 5, en pleine répétition, là. Je ne sais pas me couper en deux, venir chercher mes affaires. C'est magnifique. J'ai autre chose à faire que ça, moi. J'ai des entraînements. Nous, on cherche, mais on ne trouve pas. Ça existe pas. Ça existe pas. Kung Fu Panda, oui. Avec Van Damme et Jackie Chan, il y a Kung Fu Panda. Non, mec, Kung Fu Panda, mais c'est des voix. C'est pas un film. C'est pas un vrai panda, pardon, c'est un dessin animé. Non, non, c'est un film. Mais non, monsieur, non, je l'assure. Non, mais coup de fou panda. Coup de fou panda, c'est un dessin animé. C'est un dessin animé. Ça n'a jamais été un vrai. Effectivement, il y a Van Damme dans le 2. Oui, mais ça n'a jamais été un vrai panda. Et il fait la voix. C'est une voix, il fait une voix. Ce n'est pas une voix. Bah, c'est-à-dire que s'ils te font jouer dans un film qui est un dessin animé, c'est ça énorme. Va être compliqué. Ah, il est fantastique, en fait. Il y croit vraiment. Tu vois, quand je t'avais demandé de m'apporter de l'huile, enfin de mettre un peu d'huile de coude, et que tu m'avais dit que tu en avais une fois vu au magasin, que tu allais m'en ramener, mais sinon. Panda 3, hey, c'est génial. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'était l'huile de bras. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Tu dois mettre un peu d'huile de coude, il a dit j'en ai trop au magasin. Mais c'est qui tous ces gens là? Moi je suis en plein entraînement. Mon mec et sa soeur. Je suis le producteur de Panda 4. Et je voulais vous prendre directement, non pas pour le 3, mais pour le 4. Non mais t'y crois vraiment? Je crois que c'est le bonhomme pendu là, le producteur du bonhomme pendu là. Pas possible ça. Bonhomme pendu. Bon là je comprends plus tout. Par contre, renseignez-vous, je crois qu'on vous a proposé de jouer dans un dessin animé quand même. Qui est déjà sorti il y a un an. Il y a une répétition là. Panda 3. 3. Le retour. Mais vous n'êtes pas vraiment en répétition, c'est pas possible. Si, il répète un rôle, il sait même pas ce que c'est dans un dessin animé. C'est quel rôle? C'est qui cette dame là? Je suis la directrice de casting. Oui, voilà, de Panda 7. De Panda 7. On prend beaucoup d'avance. C'est ça. Et je voulais savoir quel rôle. Directrice de casting. Oui, je voulais savoir. Panda 7. Quel rôle vous voulez obtenir dans Panda 7? Il est déjà sorti Kung Fu Panda 3. Oh, mais c'est ce que j'aimerais bien vous coordonner. Moi, ça m'intéresse. Hein. Ah, ça vous intéresse? Ouais, enfin, je regardais un petit peu dans mon agenda. Regardez, parce que le tournage est prévu pour 2019. 2019. Oui. Est-ce que vous êtes disponible ou pas? Oui, et vous payez tout. Moi, si vous permettez, je propose qu'on passe le casting tout de suite. Hein, tout de suite. Gagnant du temps. Oui, oui, oui, mais ok, oui, pourquoi pas. Alors allons-y. La menace. Moi, madame, ça va être du concret, parce que sinon je me déplace pas. Ah, mais bien sûr, c'est du concret. On ne rigole pas là. Oui, est-ce qu'on peut être dans la menace? Est-ce qu'il peut être menaçant? Qu'on voit ce que ça donne. Menaçant. Est-ce que vous pouvez jouer la menace? Bien sûr, oui. Alors allez-y, on vous écoute. Comme ça par oral, c'est un peu compliqué. Moi, mais justement, si vous êtes bon à l'oral, demandez en cri de kung fu aussi. C'est faire des cris de kung fu. Alors, ça c'est important dans le film. Je peux pas vous montrer des techniques comme ça par téléphone. Le cri, on en a besoin. Vous êtes en plein entraînement, donc là vous pouvez nous montrer comment vous faites et faire les cris en même temps. Ouais. Non, je peux pas. Je fais jamais de cri, madame. Ah. Il n'y aura pas de casting. Ah oui, c'est dommage parce que nous, dans coup de on va prendre les sourcils de Jackie Chan. Hein. Ah ouais. Non. Tout ça pour un cri. Oui, c'est dommage. Oui, mais vous payez combien en fait? Bah, ça dépend. Ça va dépendre du rôle, de l'importance. S'il fait des. Ah bah oui, ça va dépendre. Il le fait bien aussi. On avait parlé de 500 000 dollars. Ouais, c'est le cachet de base. Minimum. Et caché à 500 000 dollars. Oui, on est en dollars. Oui, parce qu'on tourne en. En Amérique. Du Sud. Ouais, près de. À Canberra. Voilà. Ouais. Pas loin de Canberra. À Canberra. Près de Lisbonne. Canberra, à côté. Vous voyez Marrakech? C'est juste à côté. Oui, très bien. Ah, voilà, c'est là. En 2019, ouais, hein, mais je sais pas, au niveau du planning, faut s'y prendre dès maintenant. Si hein, parce que pour le tournage. Si j'entends pas de cri, je. Ah, non, ah oui, ah, il va falloir le cri, alors je suis désolée, moi je suis. Le personnage crie, je peux pas faire un casting sans cri. Ben madame, vous êtes de quelle agence en fait? Vous êtes l'agence International Casting. Haha. Et vous avez une adresse email Bien sûr, je peux vous la donner. Mais par contre, là, on fait le casting en direct, du coup. Donc, il faut vraiment nous prouver que vous êtes la bonne personne pour ce rôle. Et Jean-Claude Vandamme. Pour ça, je dois avoir un rendez-vous. Moi, je peux mais pas. Mais on va le donner, on demande un cri, monsieur. Le personnage crie, il faut crier. Là, nous faisons un pré-casting. Vous connaissez les pré-castings, quand même. Ça, par téléphone, c'est un peu compliqué, quand même. Non, monsieur, monsieur, c'est comme ça qu'on fait les pré-castings. On va pas voir la terre entière, monsieur, non plus. Hein. Faut bien qu'on fasse un pré-casting. Et si là, ça vaut le coup, on vous fait venir. Le personnage crie. Si vous ne savez pas crier, dites-le tout de suite. On arrête de perdre du temps. Je ne suis pas un animal, moi. Eh bien, il faut faire un cri. Comme ça. Faut faire non, un cri. Mais quand vous faites les... Comme Bruce Lee, oui. Ah mais je sais pas faire parce ça que là dans Kung Fu Panda 3 vous faites quoi dedans dans le rôle? Il sait pas encore. Ah le mais là le rôle je suis à l'entrée d'un magasin mais bon je fais que surveiller les gens qui passent. Ça, c'est un rôle d'action. Vous avez raison de vous entraîner maintenant. Hein. Oui. Surtout qu'il y a le film est sorti il y a un an et demi, donc ça vaut le coup de s'entraîner là. Bon, je vous rappellerai. Hein. Puis vous c'était un dessin animé en plus. Moi, vous savez pas. Et comment on fait pour les rendez-vous Non, monsieur, il faut crier. Vous voulez pas crier, on raccroche, monsieur. On vous rappellera, tant pis. Hein, non, là. Ah non, on rappellera pas, le monsieur. Est-ce que vous... On n'a pas entendu, moi j'ai pas entendu tout le monde parler en même temps. Ça n'enregistrait pas, ça tourne là ou pas? Allez, top. 3, 2, 1, à vous. Yeah! C'est le plus beau qu'on ait eu, hein. Moi je dois dire que. Ah, moi je signe, moi, je signe tout de suite. Hein. Vous signez? Moi je voudrais un deuxième. Que, moi je rajoute un double le cachet. Un deuxième. On y va. 1, 2, 3. 3, 2, 1, à vous monsieur, on enregistre. Action! Sammy Farm! Samatachi Sor! C'est pas mal! C'est pas mal. Ouais. On est bien. Ouais. On l'a. On garde. On vous tient au courant, monsieur. On vous tient au courant. On vous passe notre assistante. Non, madame, s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir un rendez-vous. Bien sûr. Je vais vous donner le rendez-vous. Je vous passe mon assistante. Elle va voir avec vous concernant mon planning pour vous rappeler. On vous l'appelle. On vous la passe. Au revoir, monsieur. Rendez-vous en Amérique. Vous la reprenez, monsieur. Merci, monsieur. Koé, 19h-22h. Sur Énergie. World, world, world, take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Les yeux perdus à nos écrans noirs. Les jours s'emballent, s'écoulent à mille à l'heure. Au ciel des nuages embrument nos espoirs. On ne voit plus tomber le soir. Cœur isolé dans nos villes, coule le temps de nos mains malhabiles. Toutes ces secondes qui filent, la vie qui nous prend là dans ses filets. Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut. Hey. We don't need to run, run, run. Come where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Yeah. Everybody's always in a hurry. Everybody's always in a hurry. Souvent je rêve. Que vienne le temps des moments doux comme la soie vers la lenteur et les sentiments au loin la peur qui s'en va. Passe les jours et les combats, combien d'étés reste-t-il ici-bas? Face au temps, on n'a pas le choix, combien d'amour reste-t-il à nos bras? Prenons le temps qu'il faut, tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps. Come where they come, they will come. We can overcome, come, come, come, come. Hey. We don't need to run, run, run, run, run. Life can be so fun, make it fun, make it fun. We can overcome, come, come, come, come. Hey. Prenons le temps qu'il faut. Tout se ralentit, on commence à souffler. Prenons le temps qu'il faut.

autres radios ont su que Koé revenait pour une 7e saison sur Énergie, ils ont dit... Ah non, on est mal. Ah, on est mal. On est très mal. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, j'espère que tout va bien. Et que vous êtes en forme, Julie va bien? Oui, ça va. C'est trop mignon, j'adore quand tu mets cette chanson. Salut, c'est Julien, on est pas loin du hall. J'aimerais bien qu'ils viennent, moi, tu vois. Bah oui, mais c'est pas en appelant Julien qui va venir. Ouais. Bon, en attendant, je voudrais qu'on ait une pensée pour une dame. Pour une dame dans un supermarché de Cagnes-sur-Mer. Je demanderai au public de ne pas rire parce que la situation est dramatique. Et il y a des moments comme ça dans la vie où il faut savoir s'arrêter, il faut savoir se dire ah mince et prendre conscience de la détresse des gens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon téléphone. Ah bah il a le droit de sonner, il a le droit de vivre, il est le week-end. Pourquoi on parlerait des gens et pas des téléphones portables? Oui, oui. Bon, tiens, dis que je suis à l'antenne, Loris, que ça vient, s'il te plaît. Il est à l'antenne. Heureusement que je suis demandé de faire ça bien. Non, je disais une dame. On est à Cagnes-sur-Mer. Oui, chez moi, dans le sud de la France. Une femme a été victime d'une agression sexuelle. Et ça, on le répétera jamais assez, c'est terrible. Moche. Alors qu'elle était en train de choisir un camembert au rayon fromage. Ouais. Jusqu'à quel suspense. Et vous verrez que ça a son importance. Un homme est subitement arrivé derrière elle pour lui mettre son index dans le cul. Ah bah c'est du journalisme. J'ai demandé de pas rire. Hein. Du journalisme. La dame s'est plaint et de son côté, l'agresseur s'est justifié en expliquant avoir mal interprété le sourire de la dame qui était en train de tâter le camembert. Parce que ceux qui achètent des camemberts le savent, on met un peu son index dessus, comme ça. Mmh. Et donc le mec, il a vu la dame lui sourire. Oh, naturellement, il s'est dit bah, oh, d'accord. Ah, okay. Ah, c'est comme ça. Voilà. Et les amis, il a été condamné à un mois de prison avec sursis et 2 000 euros d'amende, puisqu'on ne met pas le doigt dans le cul des gens. C'est écrit. Ah, oui. Même les gens qui te font un sourire. Je te vois par exemple au premier rang, jeune homme, tu me fais un sourire. Ben non, je ne te mettrai pas un doigt dans les fesses pour autant. Je voudrais qu'on ait une pensée pour cette femme, quand même. Hein, on est là, on rigole. Ainsi que pour tous les camemberts qui se font mettre des doigts toute la journée. C'est vrai. Et qui, eux, ne peuvent pas se plaindre. C'est vrai. Parce qu'eux, ils n'ont pas accès à la justice. Ils n'ont rien, eux. Ouais. Dédicace, camembert président. Ils encaissent. Voilà. Pas la vache qui rit qu'on ferait des trucs pareils. La vache qui rit, on tapote pas comme ça. Mais camembert président. Pourtant, des fois, elle te regarde, la vache qui rit, avec son petit sourire. Elle fait le sourire, le clin d'œil. Et bah, elle fait le sourire, le clin d'œil. Bah, personne ne met un doigt. Voici Feder sur Énergie. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. I tell them, doggone, we love, that's my place. There's nothing to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. In my heart, a rain of light that lights up the dark. When I step to it, I just do it. Nothing but love under the sun. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. And once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest. ce soir. Chez Koei sur Énergie. Et elle a raison de s'installer chez nous. Je vous présente cette demoiselle. Il est bon ce son là. Ah, cette demoiselle qui cartonne en ce moment. C'est pas la première fois qu'elle vient. Ce titre là est le nouveau Ain't My Fault. C'est pas ma faute. C'est ça, hein? Ouais, c'est Zara ça. Larsson est avec nous. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. You know all the team, July. Hello. John Peter. John Peter. Guiguette. The Belguette. Ah, bon, The Baguette. Koé. Your Coco. Bon, of course. Et notre our translator. Yes, of course. Why, of course? you made an interview before with him. Yeah. Bon, faut quand même regarde bizarrement. Oh, ouais, dégage, Loris. T'es traducteur de merde, toi. Dégage. Viens là, Maëlisa. Oh, explique-lui quand même que. Explique-lui. I was like, I don't think so. No. On a refait une interview comme on avait fait avec Alex Ayono. Encore mieux là. Où Loris lui a fait une interview, mais qui parle anglais, comme vous pouvez pas l'imaginer. Ouais. Et Zara, alors, je crois que c'était encore un niveau terrible. Ouais, hein. Je crois apparemment là, Elsa, elle est espagnole, c'est grandiose. Hein. Donc on est d'accord qu'elle avait compris qu'il est pas du tout. Yeah, so you understood it was a big joke, right, Zara? Bah, dis-lui non. I hope so. Bah, l'espérer en tout cas. tu peux lui confirmer. It was. Voilà, elle a quand même terminé sur la Macarena. Yeah, you still ended up doing the Macarena together. Yes, we ensemble. Did. That was great. That was my favorite part. Bah, c'était la partie préférée de l'interview. Il n'y avait plus à parler. Vous découvrirez ça, on va vous le monter. Vous découvrirez ça, vous allez kiffer. Je suis très content qu'elle soit là. Le clip, on disait, c'est énorme. En 15 jours, plus de 21 millions de vues. Yeah, over 21 million views on the video in like 2 weeks. That's crazy. It's really crazy. I'm so surprised. Bah, d'ailleurs, elle n'en revient pas elle-même. Zara Larsson, c'est ça. J'étais là quand elle a chanté au Stade de France. He was there when you sang Stade de France. Je t'ai fait coucou, même pas t'as répondu. Yeah. He waved, you didn't even notice him. In the crowd? Yeah. Enfin. Elle s'en fout. C'est beau, hein? Il commence à y avoir des tubes, hein? Ouais. Il y en a pas. Ah, là. Et le nouveau, Ain't My Fault. Comment tu traduis Ain't My Fault? Pas ma faute. Voilà. Pas ma faute. Pas ma faute. Eh bien, justement. Madame Larsson, je vais vous poser des questions, vous allez me dire si c'est votre faute ou pas. He's going to ask you questions and you have to tell him if it's your fault or not. OK. La Coupe d'Europe que la France a perdue alors que tu as chanté pour l'ouverture, est-ce que tu penses que c'est ta faute ou pas? Yeah, the fact that we lost when you sang for the opening game of the World Cup, is that your fault or not? No. Bah non, c'est pas ta faute. No, no. OK, d'accord. Les quoi? Les Suédois qui quoi? Qui rentre en LV3, c'est quoi LV3? Langue vivante, on apprend à l'école. C'est vrai, on peut apprendre ça en LV3? Oui, ouais. Le suédois? Bah, tout non. Maintenant. Bah, je ne savais pas. Bah, donc le suédois qui rentre en LV3, langue vivante 3, je sais pas comment tu vas traduire now, ça. In school, c'est ta faute ou pas? You can actually learn Swedish as a third language. Is that your fault or not? LV3, faut in savoir ce que ça veut dire. For real, in French schools. Yeah, that's my fault. Ouais. Toutes les brunes qui se défoncent les cheveux pour avoir la même couleur que toi, c'est de ta faute ou pas? All the brunettes who ruin their hair trying to be blonde like you, is that your fault or not? That's not my fault. Non, c'est pas de ta faute. Ah. Les mecs du public qui ne m'écoutent plus du tout ce que je dis depuis que t'es arrivé, c'est de ta faute the ou pas? The guys in the audience who are not listening to what he says at all because they're just staring at you, is that your fault? Ta mère qui est obligée de te suivre partout alors qu'elle pourrait se faire des petites réunions tupperware à la maison, c'est ta faute ou pas? Your mom who has to follow you everywhere where she could be just hanging out with her friends. Aujourd'hui, not today. Oh, she's not here today though. Ah, she's not here. She's letting me loose now. Ça y est, elle lâche un peu là. Ah, elle est contente du coup. So you're happy. I do miss her sometimes. I call her every day, but it's nice also to like be a bit grown. And ouais, c'est bien de faire un peu l'adulte, d'avoir des responsabilités, mais elle l'appelle tous les jours quand même. J'adore ta maman. C'est normal. He loves your mom. Yeah, I love my mom too. Ouais, elle aussi, elle adore ça. And your mom loves him too. All right. Zlatan qui est passé maintenant vedette suédoise numéro 2 en France, est-ce que c'est ta faute ou pas? Zlatan who is now the second biggest celebrity, Swedish celebrity in France, is that your fault or not? Ah bah bon, c'est maintenant il est numéro 1. He used to be number one. Now he's number two. Thank c'est you. Le numéro un, du coup. Grâce à qui? Bah. Ah, c'est de sa faute. Ouais, bah, ah, oui, thanks to you. I think you're number one. Yeah. Alors, c'est sa faute. Avant de se faire le titre en live, on va faire un bisou à Mégane. Ça va, ma petite Mégane? Bienvenue chez nous. Mégane! Oui, bonjour. Ça va très, très bonjour, bien. Bonjour, Mégane. Ça va très bien, nous aussi. Je te présente Zara Larsson. Zara Larsson, Mégane. Hello! Bonjour. Bonjour. Ah, la petite voix. Oui. Bonjour. Puis super pète. Ouais, une patate, Mégane. Qu'est-ce qui t'arrive? Lot of energy. Hey, belle auditrice que vous nous passez dès le début. Là. T'es malade de folie, hein, Mégane. Non, je suis juste un peu timide. Oh, she's shy. Mais enfin, elle est fan en plus, Mégane. And she's a big fan. Enfin. Hi. Est-ce que c'est Mégane qui a appelé 10 fois dans le bureau pour passer justement avec Zara ou pas? Non. Non, ah, d'accord. Somebody called the office 10 times to be on the phone, but it's not her. Vas-y, on a été harcelé. Vas-y, Mégane. They were harassed. Donc, ma question, c'est quelle est la chose qui a le plus changé dans ta vie depuis que tu es devenue célèbre? She would like to know, now that you're famous, what is the thing that's changed the most in your life? Probably that I travel so much. Le fait qu'elle voyage tellement. Sometimes when I travel, like in the airport, I have someone escorting me through like the lines, security, through everything. Et parfois, like, quand elle voyage, elle a genre une escorte, tu vois, pour passer la sécurité, elle fait pas les queues. Là, c'est cool quand même, elle kiffe ça. Yeah. Est-ce que tu vides quand même tes sacs et tout, machin, la you sécurité, still have to oui. empty your bag, enlever les ceintures, les chaussures. Oh, yeah, remove that, your belt, can, your like, shoes. I can like go in front of people. Oui, elle le fait, mais elle peut passer devant les gens, elle attend pas quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive, elle passe tout de suite. Et est-ce qu'elle se fait insulter du coup par les gens qui sont insulted by people because you don't stand in line? I think a lot of people don't say anything, they just give me the side. Ouais, en fait, les gens disent rien, mais ils la regardent très méchamment. Ouais, bizarrement. Ouais, voilà. Maybe they whisper something. Ouais, peut-être qu'ils disent des trucs à voix basse, elle n'entend pas, mais elle imagine. Je te fais un gros bisou, ma petite Mégane, je t'embrasse. Bonjour, je pourrais avoir une photo dédicacée ou c'est pas possible? Bonjour, she said hello again and she would like to sign picture. Elle est perturbée. Mégane, elle te la signe tout de suite. Mégane, bonjour, c'est au début, au revoir, c'est la sortie. D'accord. Faut tout refaire hein, aujourd'hui. Mais bonjour, Mégane, bonjour. D'accord, bisous. Bonjour, elle te bonjour, fait une photo voilà, dédicacée. Bonjour, au revoir, bonjour. Mégane. Bonjour, au revoir bonjour. Et bon appétit surtout. Je m'appelle Mégane. Et puis bonne nuit, je suis Mégane. Bonjour. Allez, on fait Alicia rapidement. C'est Alicia qui a téléphoné. Vous la retrouvez, celle qui a appelé 20 fois. C'est elle. C'est Alicia. Qui a appelé 20 fois. She's the one who harassed them and called 20 times to be on the air today on her phone. Yeah. For real. Attention, Alicia. Alicia. Alicia. Oui, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors bon bah je bonjour. Je vous aime beaucoup. She likes you. I love you so much. Voilà. Thank you. Donc, donc ma première question c'est comme tu es une célébrité maintenant, est-ce que tu t'es déjà fait draguer ou est-ce que tu es déjà sorti avec une célébrité avant? C'est une bonne question. Now that you're a celebrity, have you been hit on by another celebrity or have you dated another celebrity? I wouldn't say that. Non. Non. Non. Non. Non. Ah non? Non, pas encore. Ce qu'elle pourrait, beaucoup. Ah oui, il pourrait y avoir des... Oh, elle s'est forcément fait draguer par un. Oh, il y a eu un petit peu de drague. Come on, no flirting at all with anybody? No. Like, honestly, non, vraiment, pour de vrai, non. Parce qu'elle avait regretté en plus. Hein, parce qu'il y avait sa maman tout le temps. Oui, c'était Parce que sa maman was there, maybe. Right, maybe. Voilà, yes, et ça doit être ça. Alors, we'll see now. Voilà, on va voir maintenant. No mom. Voilà, il y a plus sa mère, on va voir maintenant. C'est bon, les mecs, on peut envoyer les SMS. Ok, guys, send the text. Je te fais un gros bisou, Alicia. Je t'embrasse. Merci beaucoup. T'as fait chier Julie 20 fois. Juste pour ça. Juste pour cette question, pour Ave. Non, c'est pas pour Ave. Alicia, vas-y, kiffe, fais-toi un petit plaisir. Dis-lui un petit bisou et puis on va se faire le titre en live. Ah oui, je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, very, very, very, very much. On se fait le titre. Merci. On y va. Ready to do the live? Ain't my fault. Am I alive? No. Are you ready to do the live? Oh yeah. Qu'est-ce que t'as dit? Non, elle a compris. Est-ce que je suis vivant? Je fais, ben, j'espère, oui. Are you alive? Mais vas-y. I hope you're alive. Very alive, and I'm ready to do a live. Allez, let's go. Putain, Stromae, tu fais flipper derrière. Je te jure. Il est grand. Il est grand. T'as vu? T'avais un peu il est angoissant. Il est presque angoissant. Regarde, l'angoisse. Il angoisse aussi Zara Larsson. Tout le monde, il angoisse tout le monde en fait. Il est grand. Il est ensemble. Il est bien fringué, mais quand il se lève, il fait 8m80. Ouais. Donc il est. T'as vu qu'il y a Patrick de la Sécu qui le regarde bizarrement. Attention, je te surveille. Ouais, elle a remarqué. Elle a remarqué. Elle aime beaucoup le petit loup. Zara, tu n'as rien à craindre avec le jeune homme derrière. Don't worry, you're safe. Don't worry. Okay. Il est fan de toi. He's a big fan. Il sort de prison aujourd'hui. Il a un bracelet. He's still in jail today. He's still wearing an electronic bracelet. Mais il a deux bracelets. But he has two on, un, so you're suffisait safe. Pas. Donc, and we have security craindre. Here. Et il y a la sécurité. Faites du bruit pour Zara Larsson. Sur Énergie, on y va, écoutez. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. It ain't my fault I'm not leaving alone. It ain't my fault you keep turning me on. I can talk right now, looking and I like what I'm seeing. Got me feeling kind of shocked right now. Could've stopped right now. Even if I wanna, gotta get it while it's hot right now. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can be responsible if I get you in trouble now. See, you're too irresistible, yeah, that's for sure. So if I put your hands where my eyes can't see, then you're the one who's got a hold on me. No, I can be responsible. It ain't my fault. You came in looking like that. You just baby trip, fall and land on your lap. Something bad boy smooth, body hotter than a summer. I don't mean to be rude, but I look so damn good. Oh yeah, ain't got time right now. Miss me with that what's your name, your sign right now. It's light outside, I just called an Uber and it's right outside. Oh my God, what is this? Want you all in my business, baby, I insist. Please don't blame me for whatever happens then. No, I can be responsible if I get you in trouble now. See, you're too irresistible, yeah, that's for sure. So if I put your hands where my eyes can't see, then you're the one who's got a hold on me. No, I can be responsible, responsible. It ain't my fault. C'est du 100% live. Ah ouais. Bien joué, ah ouais, bien joué, bien joué. Mademoiselle. Amazing voice. Thank you very much. Amazing. I should be a singer. Ouais, elle devrait être chanteuse, non? Mais ouais. Tu devrais y penser. You should. You should think about it. Essayez. Try at least. Try to be a singer. Mm-hmm. That's the most important part. Ouais, voilà. C'est ce qui compte, c'est d'essayer. Non, mais c'est une voix incroyable. Tout ce que vous venez d'entendre là, c'est du live. Je tiens quand même à le dire. C'est pas le. Ça change un peu du morceau qu'on entend d'habitude en plus. Oh là là, nouvel album va sortir prochainement. C'est le premier morceau du nouvel album. Est-ce qu'on en saura plus dans le nouvel album? We know what's happening with the new album. When is it coming out? It, I honestly don't know. We had a date. But they just keep on moving it, so I don't dare to. Ouais, il y avait une date, mais elle arrête pas de bouger. Donc pour l'instant, elle ne dit plus rien. But it's finished. Mais il est fini l'album. It's done. It's just waiting to be released. Voilà, il attend juste à être sorti l'album. C'est bon. If it was up to me, I would release it yesterday. Voilà, si ça tenait qu'à elle, bah il serait sorti hier. D'accord. Est-ce qu'il y aura des qui featuring ou c'est interdit? Any featurings or anything you can tell us? Ty Dolla $ign on it, and which I'm very happy about because he's definitely one of my favorite artists. So Ty Dolla $ign, MNEK, of course, Wizkid. Those are the three guys voilà. On my album. Ces trois-là, ils ont fait des featurings avec elle et elle est très contente parce qu'elle les adore. En attendant, elle est nominée aux MTV Music Awards. Ouais. Yeah, you're nominated for the MTV Awards. Yeah. Elle est nominée. Oh, Energy Music Award. You're also nominated at the Energy Music Award. C'est beau, hein? Very deux catégories, hein. Dans la... In two categories. Dans la catégorie. Oh, I thought it was only one. Elle pensait que c'était qu'une catégorie. Non, deux. Two. C'est parce que ouais, c'est une catégorie achetée, une offerte. Yeah, you get one and then you buy one, get one free. Bah, c'est une avec guitare. La révélation internationale de l'année. International Revelation of the Year. À côté, one category. À côté de Fifth Harmony, Lucas Graham, Mike Posner, The Chainsmokers and 21 Pilots. Mm, with those artists. Mm-hmm. Et dans la chanson internationale de l'année, and international aux côtés de David Song Guetta. Of the Year with David Guetta. Oh, awesome. Pour cette chanson-là. C'est ça, hein? Yes. Yeah, dans song. La même catégorie, il y a Enrique Iglesias, Julian Peretta, Justin Bieber, Justin Timberlake et Sia. With those artists. Those are hard competing against. Ouais, c'est un peu dur là, ouais, la compétition. S'il y en a au moins un prix, t'es content. Tu veux les deux obligatoirement. If you get one at least, you're happy. Oh, I'm super happy to be nominated. Rien que d'être nommée, déjà, elle est contente. Non, ça va. Alors, vous savez que nous, on nous a demandé, est-ce que tu sais qu'Energy, c'est une radio qui est dans le monde entier? Ouais. Do you know Energy is a worldwide radio? Yeah, yeah. Eh bien, il y a tous les... We have it in Sweden. Oui, il y a même en Suède. Alors justement, il y a tous les énergies d'Europe qui savaient que tu venais dans cette émission, qui ont voulu que je remette le... Il y a déjà eu des prix de scène FM. Elle n'est pas au courant, il y a déjà eu des prix de gagner dans plein d'énergies d'Europe. So you don't know, but other energy stations had their awards and you've won in certain other radios. In other, oh, really? In other countries. Mais yes. C'est... Thank you for telling this. They sent him the awards. Dans ton pays. And he's going to give them to you. La Suède. In Sweden. Sweden. Really? You won in Sweden. Okay. Écoutez, right. Écoutez ce jingle comme il est bien fait. Sweden. Sweden. Is that you saying that? Donc, c'est toi qui dis Sweden là dans le jingle. Non, c'est le vrai. Not him, but. Tu as donc, alors, on est heureux puisque voici donc this le prix de Chris Paul. This is what you want in Sweden. Un beau trophée. That looks incredible. Let me. Elle dit que c'est incroyable. Qui a fait ça? C'est de l'or. C'est beau. Real one. It's gold. Be careful. It's real gold. It's a real Chris Paul. It's a real gold. Is it? It looks. It's real. One. Yeah, yeah, yeah. I love this. And I love this. Thank you so much. C'est très plaisir. Je veux remercier Energy Sweden. Oui, ça. You have to thank Energy Sweden. Oh, I thank Energy Sweden. Tac, tac. What a beautiful trophy. Qu'est-ce que vous dites? Tac, tac. What does tac, tac mean? It means like merci. Okay. Fais attention quand même, joue pas trop, je suis pas sûr que ce soit sec. It's not maybe dry, so don't move it around. It's fresh out from Sweden. Mais également Energy Portugal également. It even smells like... In Portugal, Energy too. You won. Tu as eu un prix. Wow. Oui. Yes. Portugal. Energy. On le refait parce qu'il est beau. Il est beau. Portugal. Eh bien. That's incredible. Energy Portugal Awards et son heureux d'offrir cette ruelle d'or. Ruelle d'or. Elle adore. What is that? Is that a cake? No, it's not for the cake. Because there's lots of people in construction in Portugal. Le moule. Je vais t'expliquer pourquoi. Elle pensait que c'était une pelle à gâteau quand même. Non. Wow. C'est une truelle. It's for a construction site, you know. Incredible. Voilà. Thank you. Portugal. Portugal. Tu as gagné, Portugal. Tu as gagné également en Allemagne. Oh, in Germany, you won too. No way. Germany. Oh, that was okay. Déjà, I like the Germany guy. Là, ça allait, l'Allemagne. La saucisse qui est le plus beau. The golden sausage. C'est au-dessus de la... Wow. C'est une vraie saucisse. Hein. Ah, c'est une vraie real sausage, too. Voilà, ça me fait plaisir. Elle est I love this. I have never been more happy in my life. Elle a jamais été plus heureuse, tu vois. J'embrasse nos amis d'Energy Maroc puisque tu as gagné là-bas aussi. Oh, you also won in Morocco, Energy there. For real, Romania. Seriously. Energy Romania. Donc Ah non, ils l'ont volé. Comme ça aussi. Il y a un trophée là. There was a trophy, but you know, they stole it. Non, mais non, pas du tout, il n'y avait pas. Avec ses sobriétés. No, voilà. It's very sober. On est dans les clichés, les gars. Romania is sober. Un peu dans les clichés, peut-être. Je suis sûr qu'elle n'a jamais eu de trophée comme ceci, n'empêche. You probably never got an award like that, right? No, this is cœur, something else. C'est un truc. All these c'est awards. À part là aujourd'hui. Hein. Je sais. Thank you. Zara Larsson est notre invitée. On aura Julien thank qui you, va lui faire un bisou dans un instant. C'est l'événement ce soir. On se passe un bon vendredi avec elle. Le nouveau single, c'est une tuerie. And my fault. Yep. C'est une tuerie. C'est vraiment bien. He loves the song. Yes, I say that. Killer. I love this song. Restez avec nous. Elle revient dans deux minutes. Fly like a bird, you know what about it? Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my word goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright.

Énergie. Numéro 1 sur les hits. Pop, R&B, Dance. Warcraft, le commencement. L'adaptation du célèbre jeu vidéo en Blu-ray et DVD. La Horde et l'Alliance s'affrontent dans un déluge d'effets spéciaux et de batailles spectaculaires. Nous protégerons le royaume. Choisissez votre camp. Warcraft, le commencement en Blu-ray et DVD. Avec Énergie. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. Today you hurt me, gonna heal tomorrow. And if you leave me, I can do it solo. I had a dream. It was melting like a sandcastle in the wind. Excusez-moi, ça me lance un petit peu. On n'a pas reparlé d'hier soir. Dis donc, franchement, bravo. Hein. Hey, hier, j'avais dit qu'après l'émission, j'allais faire un tour voir Cyril. Ouais, les 35 heures de débat. Et là, il y avait un défi où il fallait faire des tractions. Je te sentais tellement moi, pas sur le dos. Je croyais pas en toi, mais est-ce que je peux vous dire que j'ai jamais fait une traction de ma vie? C'est vrai. De ma vie. C'est-à-dire que quand j'ai vu le truc, j'ai dit je ne pourrais jamais soulever ce corps. Bien démerdé de ouf. Hein. Oui, parce que Castaldi, il faut quand même que vous le sachiez. Ouais, il y a un coach et tout. D'abord, c'est pas le problème. C'est que vous lui dites mange une montagne. Il mange une montagne. Vous lui dites creuse un trou avec ta tête, il creuse un trou avec sa tête. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de gagner que le mec il peut se déchirer tous les muscles du corps, mais il y arrivera. Premier degré, t'as jamais vu. Benjamin, il faut qu'il gagne. Je sais. Parce que s'il n'avait pas gagné, t'es pas parti au ski, il aurait fait une dépression. Mais voilà, alors que moi, je partais très très très perdant. Ouais. Et tu t'es très bien débrouillé. T'étais pas très droit, mais t'arrivais à la hauteur de la banane. Il y a un moment. Franchement, bravo. Et elle vous a pas fasciné, la dame qui a remué son cul? Ah si. Ça s'est vu qu'elle te fascinait. Toi. Madame Souplesse. J'ai filmé, j'ai fait un snap. Hein. Ouais, j'ai vu. Il y a un moment donné, il y avait un plan sur toi avec ton téléphone. Excusez-moi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'avais envie de faire profiter aux gens qui me suivent sur Snap, Koéoff. Je me suis dit, tiens, il faut que les gens voient ce cul hypnotique qui bouge comme ça. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on aura Fifth Harmony avec nous, mais on aura aussi Tini. Et Tini, vous l'avez connue. Si je vous dis Tini, vous dites oh, c'est celle qui était. Vous connaissez Violetta? Oui. Et bah Violetta, c'est Tini. Elle a changé de nom. C'est Violetta. Elle a changé de nom. Violetta, c'était un nom de la série. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, donc maintenant Tini sera là la semaine prochaine. Julian Peretta aussi. Et Black M. Au parc Astérix, hein. Au parc Astérix, je vais être comme un ouf, moi, mercredi. Reste avec nous, ça va être une tuerie cette émission. C'est un show. Faut que tu t'entraînes. Ah là là, il faut que je la. C'est quoi? Faut que tu fasses le duo avec lui. Ouais. Ah ouais. Parce que déjà, je suis français, j'avais fait une vidéo avec lui cet été. J'avais déjà appris. Celle-là, il faut que je l'apprenne. Shane Smoker sur Énergie. J'espère que tout va bien. Nous, oui, on est vendredi. Doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Pink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years no calls. Now I'm looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer. Je trouve qu'elle a une voix incroyable. Elle était venue nous voir chanter cette chanson ici. Yeah, you came here for this song, we remember. Yeah. Mais je crois qu'elle est venue pour toutes les chansons. Yeah, you came for every song, basically, right? I pretty much did. Ouais, ouais, yeah, elle est fidèle. You're very loyal to us. I am. C'est vrai, ouais, contrairement à certains. On s'était même croisés dans un train un jour. Oh, yeah, we ran into in a train one day. What? À Londres. Going to London. Oui, c'est vrai. Ça fait plaisir. Oh, ça me rappelle pas. Yeah, we ran into you. Yeah, remember? Non, pas du tout. Vous l'avez réveillé aussi. Moi, je me souviens, même. Sinon, on s'en souvient. Ouais, ouais. J'étais là, j'étais dans le train. London, the train. Yeah, the Eurostar? Yeah, bah going from Paris to London. T'en souviens pas, ouais, mais non. Pas semblant. Still don't remember, so don't pretend you remember. Wasn't it the opposite? No, I was going to London. Je croyais que c'était le contraire. Non, on allait à Londres. Non, on allait à Londres. On allait faire l'interview des One Direction. Hey! Et voilà. Et tu ne t'en souviens pas? C'est horrible. Pretty sad. C'est horrible, but si peu when marqué. Was that? Last year, exactly a year ago. Il y a deux ans. Pile un an. Un an? Ouais. Putain, c'est, je suis en train, tu sais quoi, je suis en train de vivre le truc quand un mec vient me voir et me dit tu te souviens on a fait une photo il y a deux ans. Ouais. Je suis en train de vivre ça. He's experiencing some concept and said remember we took a picture 2 years ago. He's like yeah but no. Je l'avais jamais vécu. Ça fait du bien. I've taken it so many times. En même temps on a pris le train beaucoup de fois quoi. C'est humiliant. It's kind of humiliating for him. Non, en plus c'était à la sortie. That you don't remember. C'était à la sortie d'une émission ici, je crois. I just don't remember the Eurostar. Bah écoute, elle se rappelle de toi mais pas dans le train quoi. Mais c'était deux jours après de venir ici. Ouais, c'était deux jours. It was like 2 days after you did the show. Comment tu dis humiliant? Humiliating. Humiliating. C'est pas vraiment comme ça. Je dirais qu'il est éternué. Humiliating. Why is the train to London important? Did we meet on the train? No. Yeah, yeah. I saw it. No, we didn't. Oh my god. Wait, did we? Wait, now. It's ringing a bell. It's ringing a bell. Ah, ça y est, ça commence à revenir. Pourtant, elle nous a dit bonjour. Arrivée, non? Mais oui. C'est elle qui nous a dit we bonjour were, en plus. The train had just arrived in London. We're getting off the train and we said hi to you. Parce qu'on l'avait pas reconnu. Because we hadn't non, on l'avait pas vu, je crois. T'es pas dans la même voiture. Oui, yeah, you weren't in the same wagon as us. Échange de saloperie. Ouais. And then we saw you when we were about to get off the train. Okay, you don't remember? Non, mais n'insistons pas. Let's not insist. Forget it. You don't remember. It's okay. I don't. I'm sorry. Tu te rappelles toujours pas. Alors que juste avant, elle t'a dit je t'aime, mais t'as pas fait attention du coup. T'as bloqué sur le fait. Ah bon? Quoi maintenant là? Sorry. Humiliated. Julien, bienvenue chez nous, Julien. À toi, vas-y. Et après, on passera à Elodie. Allez, on y va. Julien! Oui! Salut mon gars! Salut toute l'équipe! Salut Julien, Zara Larsson, Julien. Bonjour! Oui! Salut! Mais en fait, je voulais te poser une question. Je voulais savoir en fait si tu avais une anecdote ou quelque chose de drôle à raconter en fait depuis que tu es célèbre en fait. He wants to know if you have a little anecdote or a funny story to tell us now that you've become famous. Something happened to you that's funny. Parlera des questions après. Wow! Just like that! Ouais, comme ça un peu. I think, honestly, I just have to say this. I think people expect me to live like the lavish life, doing all these crazy things. But the truth is, the only thing I'm doing is I'm laying in bed watching TV shows all the time. Alors, elle dit que les gens s'attendent à ce qu'elle mène une vie extravagante, hyper glamour. Mais en fait, le seul truc qu'elle fait vraiment, c'est rester au lit à regarder des séries télé toute la journée. Ah bon? Yeah. Comme toi, like everyone, like everyone else, basically. Like everyone voilà, else. Comme tout le monde, en that's fait. That's me, but I think I do it more than everyone. Mais sauf qu'elle le fait encore plus que les autres. Ah oui, quand même. Ouais. Yeah. So no, I'm sorry. Non, désolée, elle a pas d'anecdote. Sorry. Be a disappointer. Gros bisous, Julien. Oui, de quoi? Ok, tout le monde s'en branle cet après-midi. T'es pas trop déçu? À bientôt. Salut, Julien. À bientôt. Non, mais continue ce que tu fais, c'est pas grave. Allez, bon. Regardez les mecs, ils parlent au truc et puis un truc. Quoi, qui tu dis, pardon? J'écoutais pas. J'écoutais pas, j'en ai rien à branler. Et Elodie? Salut ma chérie. Salut Sarah. Hello. Alors, j'aimerais te demander comment s'est passée la réalisation de ton album. How did the working on the album go? She wants to know. Very well. It took me some time. I had 3 different A&Rs with me on the album. Like the A&R is the person who is helping me with the songs. Ouais. Elle a eu, ça a mis un peu de temps parce qu'il y avait 3 directeurs. But now, when I finally had my third one, I feel like it just was a different thing. So all those 3 years I've been working on it, I feel like the last year has really been the year. Elle a travaillé dessus 3 ans, mais la dernière année, ça a vraiment été de l'année qui a compté. Mais elle les a tous virés un par really un. Did you all fire them? Not me personally. Elle personnellement, mais but I made oui. Sure. Voilà, elle s'est bien assurée qu'il elle soit a une Julie dans son équipe. C'est ça. Voilà. No, but I wrote a lot of the songs, which I'm really proud over and happy elle a about. Beaucoup des chansons, and I'm super excited super for people to hear it. Et elle a vraiment really hâte que tout le monde écoute l'album. Voilà, que tout le monde l'entende. Voilà, c'est okay. Fait, ma chérie. Je te fais un bisou, Elodie. Merci beaucoup. Merci. T'embrasse ma poulette. Question du public et puis après on terminera avec Zara. On aura un petit truc. Moi, j'aimerais savoir. On dit bonjour. Bonjour. On dit comment qu'on s'appelle? Mandy. Mandy. Elle rougit, Mandy. J'aimerais savoir c'est qui sa collaboration de rêve. She would like to know who would be your dream collaboration. Bonne question. If you could pick someone to work with. I would good question, say... babouche. I would say... Oh, that's a hard one. Probably... C'est dur, ouais. Probably... Ouais. Nicki Minaj. Nicki Minaj, sans doute, ouais. Nicki Minaj. Ce serait son rêve. Ouais. Ça te va ou pas? Non, aussi, t'as pas l'air de. Bon, on sent un petit peu l'influence sur le dernier titre. Ouais, we can feel the influence on the last song. Allez, Fifth Harmony. Nicki Minaj, the influence. It's a little bit more. Had a trappy beat. I'm singing very fast. But she's like the queen of rap. Ouais, elle, c'est la reine du rap. Voilà, elle aurait préféré Fifth Harmony, la demoiselle. Mais bon, oh, she would have preferred you said Fifth Harmony. Pas entre filles, ça sent. Oh, yeah, I would love to work with them too. I think they're amazing. Elle est trouve canon aussi, ouais, pourquoi pas. Of course, we're label mates. En plus, c'est le même label. Mm-hmm. Voilà, mademoiselle, c'est gentil comme tout d'avoir participé. C'était il y a deux jours la journée internationale de la fille. Oui. Oh, it was International Girls Day two days ago here. Alors, voilà. Yeah. Donc, nous, on est ravis de te recevoir. On a sensibilisé la France entière à la position de certaines filles dans le monde qui ne sont pas confortables, voire scandaleuses. Yeah, so they talked about, you know, some girls are having problems all over the world on the show. Pour la peine, Zara, tu as le pouvoir. Viens à côté de moi. And non, ça fait plaisir toute la semaine, hein, Dibia. Ouais, okay. It was party time all week. Today, it's your show. Alors, viens. Come next to him. Viens à côté de moi. I don't get it. Be afraid. Come no, don't worry, he's going to make you do something, but don't worry. Elle appelle un. Viens ici. Toute la semaine, mais on s'est fait plaisir. Alors. Justement, on a profité, on a eu des fleurs et tout. Yeah, all week, all the girls. Et on a pu se lâcher sur tout ce qu'on voulait dire. Bon, déjà, je vais déjà, j'en profite qu'elle est à côté de moi parce que les invités ne viennent jamais à côté de moi. Donc, je vais faire une selfie. Ah, mais j'en fais jamais. Ça va. Ça, tu peux. De quoi elle a peur? Mais c'est vrai qu'elle est complètement pas rassurée du tout. C'est pas à quoi s'attendre avec toi. Non, alors le principe est simple. Écoute-moi bien. Puisque tu as le pouvoir. Voilà. Je vais te dire des choses. Si tu les trouves super, tout va bien. He's gonna say stuff. If you think it's cool, everything's fine. Voilà. Et si tu n'es. So nervous. Elle a peur. Non. Et si tu n'aimes pas, tu pourras me donner. Donnez-moi un objet. If you don't like what he's saying. Un os en plastique. You can hit him. Tu pourras me donner un os en plastique. Voilà, with this little plastic bone. Ok. Big plastic bone. Okay. Si vraiment t'aimes. Non mais qu'elle se rassure. Si vraiment elle aime pas, bam. Bam. Okay. No, really, if you don't like what he's saying. Wow, I don't promote violence. Just so you know. Je peux lui montrer moi si elle veut. But it's not violence. Si c'est si. Okay. I'm ready. Okay. Ready. Elle est prête. Hein? On y va. Elle a l'air prête. Elle est prête. Well, I'm right-handed. I need to hold him. Si, seulement si elle aime pas. Seulement si elle aime pas. Only if you don't like what he's saying, you get to hit him. All right. Est-ce que ça te dit de venir un week-end dans ma maison de campagne? Would you like to go to his country house for a weekend? En tout bien, tout honneur. En tout bien, tout honneur. Just as friends, of course. Yeah, it's fine. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Bon, voilà. Bien, toi bien. Bon, enfin, si je t'invite, c'est parce que j'ai personne pour faire le ménage. Of course, if he's inviting you, it's because he has no one to clean the house. Il mérite. Ça fait mal, ça. J'entends le bruit. Non, le bruit. Changeons. J'adore le bruit. Ça me dégage. C'est une rigolade, ça. That's funny. Ça, c'est le mieux, c'est comme ça. Non, attends. Elle te fait du vent. Je rigolais. On va passer un week-end tranquille. No, he's joking. It's going to be a very cool weekend, very relaxing. Okay. Mais par contre, on vit totalement nu. But you'll be entirely naked. Sur la joue, quoi. Du coup, tu peux inviter des copines. You can invite some girlfriends. Ah, elle dit pas non. Okay. Elle accepte. Elle accepte. On ira au restaurant. You can go to the restaurant. Mais c'est toi qui payes. But you're gonna have to pay. That's fine. Non, ça la dérange pas. Généreuse. C'est vrai. I every time I've been like on a date with a guy, I've always paid. À chaque fois qu'elle fait des dates avec des mecs, c'est elle qui paye. Bah alors on ira au restaurant, mais nu. So you'll go to the restaurant but naked. Why would I do that? Pourquoi elle fait pareil? Is that legal? Ouais, c'est légal. Ouais, au restaurant où je vais, c'est légal. Yeah, in the restaurant where he goes. Dans l'arrière-salle. Oh merde. Bon, et autre chose, on the chain, we chain. Oh, les mecs, malade les gars. Non mais les gars, arrête. Et la cantine, là, vous êtes. On a une bouteille de vin. Oui. Tiens, il ose pas lui donner. Happily take it. Elle est contente de la prendre, hein. You better think. Là, c'est lui qui est pas très rassuré. Yeah, now he's donc, nervous. On ira chez moi, il y aura des copines. So you'll go to his house, you'll have girlfriends. Ça sera sympa. It'll be fun. Yeah. Mais faudra que t'amènes ta tente pour dormir dans le jardin parce que je vais pas rentrer n'importe qui chez moi. So you have to bring your tent and sleep in the backyard because not anybody can come into his house. Elle aime peut-être le camping. I don't like that. Non, ça, ça lui plaît pas trop. Oula. Mais tu t'appelles. But why would you invite me if I can't? Bah oui, pourquoi tu l'invites si elle peut pas dormir dans la maison? Ouais, non, mais ça m'arrange que tu ça m'arrange que tu tapes pas parce que ça fait un peu mal. Don't hit because it might hurt, but. Non, mais pourquoi? Non, ah, parce que je passe de la vanne, mais je flippe depuis tout à l'heure avec ça. He's just basically scared, he doesn't want to get hit. Non, non, non, non. Yeah. Non, non, non, non, non, non. Non, non, parce que ma tête est. Non, non, non, non, non, non. Un petit coup. Elle, il a pas. I can't do it, I can't. Elle peut pas, elle peut même pas. Il a pas de cheveux pour cacher. Voilà, je vous en prie, applaudissez-la. Allez s'asseoir. Dis-lui qu'elle s'asseoir. Thank you, Zara. You can go back and sit down. Voilà, va t'asseoir. Allez, tu as fait belle. Take the place. Take the place, t'as dit. Ouais, il a dit un truc de la place. Ah, mais, et le mec, hey. T'es par jour, toi. Bon, Zara Larsson, en tout cas, était avec nous. Oh my God, what the... Mais t'es con. Ça va pas, non. Tu as la bouteille sur la gueule. Mais t'es con. What? Mais ça va pas ou quoi? Non mais arrêtez, non, arrêtez, non, appelle. Non, mais... Parce qu'elle s'est pétée en mille morceaux, vraiment. Il est où? J'allais parce que Zara elle est morte de rire. C'est la seule qui rigole. T'es. Ça va? Appelle les pompiers. Ouais. Stouf, stouf, appelle. Non mais il a du verre dans l'œil et tout. Ouais. Tu déconnes ou pas? Mais non, il déconne pas. Il déconne pas? Mais non, il déconne pas du tout. No, he's not joking, I think. Attends, je regarde en dessous. Yeah, this is a joke. This is a joke. I'm getting very... Non, non, non, il saigne. Mais non, arrête. Stop. Oh, vache. Stop, I'm panicking. Doris, il me prend des photos. T'es con, toi. Arrête, j'appelle. Oh, it's a joke. Va chercher un truc, là, pour les filles. Wait. Attention, parce qu'il y en a plein par terre. Non, non, non, donnez-moi un truc. Tiens, tiens, tiens. Right? No, not crazy. No, it's not. Yes. I swear. No, it's wearing off. T'as envie? Fuck! Oh my God! Oh hell no! On fait sortir tout. Levez-le! Ah, il veut pas se faire. Tapez les pompiers. Ils ont appelé les pompiers. Ouais! Ah, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Tiens, ça va être sûr. What the fuck? Tu veux pas te lever? Il s'est fait mal! Dites que je m'excuse, je suis désolé. Traduis que je m'excuse. Yeah, he's sorry, he's very sorry. But it's not a joke though. No, sorry, really, for real. Non, mais elle sait pas si on rigole ou pas, mais je lui dis qu'on rigole pas. Faites sortir le public. No, honestly, he's bleeding and everything. Bah! This is... Ça va, non, je suis désolé, ça va. J'ai plus marché, moi, du coup, là. Faire attention, dis-lui, faire attention. Careful, because there's glass everywhere. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? On peut plus déconner! T'es relou! On peut plus déconner! C'est pas vrai? T'as eu peur? Mais t'es con, putain! T'as eu peur? Mais grave! Elle croyait de ouf! Elle était pas con! Mais sérieusement, c'est grave! Prank someone has ever done to me! That is not funny, I thought it was true, for real! T'as eu peur? Cause you, I was like, she is so... Mais parce qu'elle regardait, elle avait vraiment, je paniquais! You were really the person that I was like, wow, she's a really good actor! Bah non, but I was, because they didn't tell me, everybody knew, but they didn't tell me! Tout va bien, tout va bien! C'est quoi ça, là? Vous y avez cru vers la fin! Bah ouais, les mecs, je savais que c'était une blague! Oh my God! T'as le public qui rentre, qui fait non, je savais que c'était une blague. But also because I was laughing through the whole thing because I was like, oui, elle rigolait parce qu'elle était sûre. But I swear to God, I thought it was true. Be serious. Mais essayons cool, maintenant, hein, avec une vraie. C'était donc une bouteille de cinéma. C'est une. Oui, je suis pas non plus. J'ai pas une tête en titane. Hein. Non, ça va. C'est quoi le son? C'est une poche de son. Wow. Alors attends, on t'expliquera des trucs après, mais c'est du faux. Regarde. C'est choqué, Elsa. On a oublié de la prévenir, je crois. Ouais, on l'a pas prévenu. Zara, je te souhaite tout le bonheur. J'ai eu peur. Elle est choquée après. I'm happy it's a joke though. Oui, moi aussi, je suis happy. Je préfère. I would feel so bad for laughing. Elle est choquée après, cool. T'aurais préféré une vraie bouteille? Well, I would never forget this. I know that for tu sure. Tu n'oublieras jamais. Ouais, ça, elle va s'en souvenir. Eh bien, on voit comme ça, tu te souviendras de moi la prochaine fois. Remember him next time. Eh bien, Zara Larsson était notre invitée. Thank you. Coué, 19h-22h sur Énergie. Tu me dis de regarder la vie en couleur quand il fait noir autour de moi. Sur le dos, j'ai traîné pas mal de douleurs. Toi, tu me portais à bout de bras. Non, non, non, je n'ai pas toujours été sûr de moi. J'ai douté tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Tu me dis que mon rêve est juste à côté. J'ai juste à tendre la main. Toute ma vie, je peux la passer à t'écouter. La douceur est ton seul refrain. Non, non, non, ce n'est pas toujours facile pour moi. J'ai plié tellement de fois. Non, non, non, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. On dirait qu'on a tous un ange. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Restez avec nous sur Énergie, j'espère que tout va de votre côté, que vous allez passer un beau week-end. On fera le tour de l'équipe, oui, de ce que vous allez faire ce week-end. Il va y avoir un peu de code pour moi, un peu de one man, un peu de mix. Ah, tu vas one man? Ah ouais, oui, à Samé. Et demain, je vais à Sainte, à côté de Charente-Maritime, demain, pour un mix, pour un gros truc énorme. Ça va être une tuerie, j'ai hâte de vous retrouver, j'adore. C'est kiffant de refaire ça, de mixer, je kiffe. A tout de suite, on revient. Énergie. Numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance. Music only.

que la seule personne de petite taille, c'est Julie. Mais c'est vrai. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, tout le monde, que vous allez kiffer. Il faut qu'on vous mette la vidéo de la fausse bouteille, parce qu'il y a des moments où vous avez peut-être entendu un truc, vous n'avez peut-être pas compris. Hein. Je me suis pris une bouteille tout à l'heure que Laurie a fait, mais vous verrez les images, vous allez comprendre pourquoi c'était... On avait c'était flippant quand même. On avait une vraie bouteille en verre et une bouteille en sucre. Alors je dis pour ceux qui ne le savent pas, c'est du sucre, ça se vend dans les magasins. Et le sang, c'est le sang qui est utilisé. Ça se vend dans les magasins spécialisés. Ah, arrête, j'ai cru qu'il y avait l'air con. Oh là là, avec la vraie bouteille. Non, mais voilà, et ça fait pas mal du tout. Hein. Je le dis, c'est très bluffant. Hein. Mais ne faites pas ça chez vous avec des vraies bouteilles. Non, non, quoi. Par contre, non. Une fausse bouteille, si vous voulez faire flipper quelqu'un, vous pouvez, ça coûte combien? 40 euros. Ah bon, c'est un petit budget. C'est un petit budget. Faut pas se rater. Faut pas se rater. Regardez, c'est énorme. C'est un petit budget, et quand vous la transportez, juste un conseil, c'est extrêmement fragile. Voilà, donc faites gaffe, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une vanne à 40 euros qui se casse dans le sac. C'est con. La vanne la plus ratée du monde. Donc après, vous êtes obligé de prendre une vraie bouteille, il y a un drame dans la famille et tout. Donc voilà. Donc vous verrez cette vidéo, et Zara Larsson. C'est marrant parce qu'au début, elle rigole. En fait, elle y croit pas du tout dès le départ. Et à la fin, elle se pose la question et elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais, quand elle voit le sang, on la perd. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Il y a eu deux personnes dans le public qui en ont eu peur pour moi. Le reste, on n'avait rien à foutre. Voilà, ça fait plaisir. Non, ils ont tous eu peur. Ils font genre, non, on n'a pas eu peur, mais tu vas voir la vidéo. C'est là, ils s'en foutent. On verra, regarde. Il y en a deux, trois qui ont dû se dire, ah, ça y est, il va crever, on va mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est ça. C'est pour ça que Loris rigolait. Il voulait prendre ta place. Il y a deux, trois animateurs à Énergie là, qui ont écouté, qui ont dit, ah, quand même, vérifiez s'il est là lundi, parce que sinon, on prend sa place. Ce week-end, Julie, tu vas faire quoi? Bah, code, hein. Oh, prends-moi pour un con. Si. Tout le week-end. T'as vraiment un week-end de merde. Mais j'ai envie de la voir. Tu vas rêver tout le week-end, tu vas faire que réviser. Je sais pas, mais je crois qu'il pleut ce week-end, non? Il n'y a pas un week-end? Non. Moi, si, dimanche après-midi. Moi, j'ai maté la météo, je suis à Royan. Ouais. Pour mon mix à Saint. Pour ton mix, ouais. Je me pose à Royan, je vais être sur le bord de la mer, je crois, et on m'a prévenu que tous les commerces sont fermés. Parce sympa. Que c'est hors saison complet. Ah ouais. Mais il va faire beau, il y aura la mer et il y aura toujours des restos en front de mer, donc ça va être cool. Donc tu vois, t'as du temps pour réviser ton code normalement. Bah non, j'aurai autre chose à foutre pour réviser mon code. Non, par contre, j'ai du train, j'ai du TGV, entre les one man et là, j'ai du TGV. Donc j'ai tu vas pouvoir faire dans le TGV. Oui, j'ai que ça à faire. Piet, qu'est-ce que tu vas faire? Ah putain, moi ce week-end, c'est. Oh ouais. Attention, hein, je bois pas d'alcool ni rien, j'ai deux courses, donc laisse tomber, je cours demain matin. Ah oui, il va dans la boue. Et dimanche. C'est quoi cette passion? Tu t'ennuies à ce point-là aussi? Non, j'aime bien me mettre minable en fait. Attends, on a deux ce week-end. Non, j'ai un entraînement de demain matin. Ah ouais. Je fais 11 km et dimanche, c'est la frappadingue. Là, on fait 13 bornes dans la boue avec des trucs électriques, des tunnels, des tasers, la boue, des tasers. Les gars s'entraînent à faire ça et quand on fait un défi, ils veulent pas le faire. Je tiens à dire ça. Respect. Ouais, mais c'est non, j'aime bien. Bah moi c'est plus calme hein, du coup. Il y a l'anniversaire de mon père et une soirée chez des potes. C'est super. Frappe à dingue. Bah ouais, mais il y a aussi de la boue et des tasers et tout. Hein. Les deux au fond, qu'est-ce que vous avez fait? Stouf. Moi j'ai un massage à quatre mains de prévu. Mais non. C'est un code pour une partout, ça non, c'est quoi? Non. Ça, excusez-moi, je vais vous dire un truc. Je lance pas un appel. Je lance un appel. Un massage à quatre mains. J'ai jamais fait ça. Je vais vous dire un truc. Je vais lancer un appel sérieux. Vous allez croire que je déconne. Je lance un appel sérieux à une masseuse sérieuse parce qu'il y a quatre mains. Pas ça, parce que vous allez croire quand je dis ça que c'est ouais, ça y est, c'est non. C'est super dur de trouver une bonne masseuse. Des nanas qui te font de la papouille que tu sens rien, mais la nana qui peut appuyer avec les pouces et tout. Moi, j'ai souvent mal au dos. C'est du métier, bien sûr qu'il y en a plein. Très dur, Pietre. Il y en a plein, mais des bonnes, il y en a pas beaucoup. C'est très dur à trouver. Il y en avait une qui était super, qui était une chinoise que j'avais, bon, et qui est partie. Donc ça fait un peu loin pour aller se remasser en Chine et revenir. Ah oui. Et voilà. Et ce que je veux dire, c'est que c'est très dur. Donc s'il y en a une, contactez-nous sur notre Facebook et tout. C'est important. On fera des castings. Mais j'ai fait une fois. Mais à quatre mains, c'est bien. C'est énorme. J'ai jamais fait, moi, Julie, non plus. Il y en a une fois, elle te fait la tête, l'autre, elle te fait les pieds. Voilà. Tu sais plus où t'es. Et toi, tu fais ça, pendant combien de temps? Une heure. Une heure? Toute seule? Enfin, toute seule avec les deux masseuses. Ouais, mais tu peux être accompagnée des fois en massage. Qui c'est qui t'a offert ça? Bah, c'est moi, je me l'offre toute seule. Oh, Mastouf. Pourquoi à quatre mains, coquine? Parce que j'aime bien. Mais c'est dans un hammam libertin ou Mais non, arrête, non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Voilà. J'aime bien. D'accord. On viendra filmer. Ah ouais? Non, mais je ça m'excite. Ah, c'est mignon. Qu'est-ce que tu vas faire, Mika? Un week-end cocooning. Mais seul. C'est parce que tu fais des coucous. Ouais. Voilà. Il va faire des coucous. Parce qu'en ce moment, il se fait des week-ends cocooning en amoureux, mais seul. Voilà. C'est la même chose qu'en amoureux sous un plaid tous les deux, mais lui, il est tout seul. Demain, il a pas de plaid et il fait coucou aux voitures. C'est du coucou. Ça repose, ça fait du bien. Tu pars pas avec coucou? Vous partez pas ensemble? Si, mais pas. Ah il vient me chercher, c'est un peu compliqué. On a un week-end très compliqué. J'allais dire, pour une fois, vous êtes séparés. Et Mika, oui. Je te ferai des cocooning de la plage. Ouais. Cocooning, on te fait des cocooning avec Yannick. On verra des snaps. Vous savez quoi? envoyez des coucounings. Envoyez des coucounings, Amika. Vous vous mettez devant votre téléphone c'est et vous faites, drôle, vous faites coucouning. Voilà, sinon, il va se sentir seul. Après, je vais tout retweeter et tout, vous allez gueuler. Ah ouais, j'avoue. Je veux dire un truc, cette équipe, on croit que c'est déconne et qu'on a des vies de ouf. Mais croyez-moi qu'une fois que le travail est fini, c'est bien calme tout ça. Ouais. Bien trop calme d'ailleurs. Ça dépend. Ouais, Stouff, elle est obligée de payer pour se faire toucher. Alors, Mika, il attend que ça. Franchement, c'est très simple. Franchement. Rendez-vous service, tous les deux. Mais ouais, c'est vrai, toi, t'économiserais du blé. Mika, il peut te mettre les pieds et les mains. Comme ça, t'as l'impression qu'il y a mais ils attendent les NMA, les deux. Tu sais qu'ils dorment dans la même chambre. Raconte pas ça, non. Oh, enfin, dormir. Oh là là. Ils sont dans la même chambre, NMA. Ça va être la Louis, Loris, qu'est-ce que tu vas faire? Massage à quatre pieds. C'est moins cher, c'est la version moins chère. Tu te fais piétiner par des mecs, c'est moins cher. C'est moins cher. Psycho. Non, on s'en fout. Bah, je retourne à la prison. J'ai pointé la prison. J'ai pointé. J'ai le bracelet électronique, il est con. Voilà, exactement. Il attend sa lettre. Oui, putain. Il est devant la boîte aux lettres. Je l'ai ou pas. Ouais. Tu vas la recevoir, ta lettre. J'espère. Je vais l'accrocher. Je suis pas sûr qu'il faut espérer. C'est le seul mec qui attend une lettre d'avertissement avec impatience. Super content. Il nous l'amène. Hein. Bon, et puis notre réalisateur. Je sais pas s'il faut lui demander parce que est-ce qu'on le reverra. Bah, justement, demandons-lui. Eh ben, c'est ouvert pour l'emploi le samedi. Je vais bosser. Tu vas faire quoi? Session studio. Ça bosse. Oh, eh bien c'est sûr, c'est de bonnes paroles. Oui. Que je vous souhaite un bon week-end. Si vous prenez la route, soyez prudent. Oui. Ne buvez pas. Essayez d'être le plus de Sam, de capitaine de soirée possible. Si vous mettez des capotes parce que vous allez faire l'amour, si vous comptez pas faire l'amour, ne les mettez pas avant. C'est ridicule. Mais au moins en ayez sur vous et regardez la date. Parce que je dis ça parce que j'ai un copain à qui c'est arrivé il y a pas longtemps. Oui. La date d'opération. Il faut regarder la date hein, parce que c'est comme les yaourts. Il y a un moment donné, sérieux, c'est plus long qu'un yaourt. Ouais. Mais la date, il faut pas la dépasser, sinon ça marche plus. Soyez heureux, portez-vous bien. On terminera par le mot de la fin de Stouff. Bon week-end. C'est triste. On va l'enlever cette séquence. Allez, bisous à lundi, ciao. On a gardé le meilleur pour la fin. Les deux dernières heures de la journée, c'est Guillaume Radio 2.0 de 22h à minuit sur Énergie. Allez, de retour sur. On pourrait dire à Koé qu'on est après lui. Voilà. Il pourrait lui dire qu'il le sache qu'il y a quelque chose après lui. Mais c'est une fille qui dit bon week-end, il oublie qu'on est là. Eh ben, j'espère que vous allez bien, en tout cas, chez vous sur Énergie. On est en direct, nous, par contre. 22h05, Guillaume Radio 2.0 jusqu'à minuit. Il y a du sport ce soir, il y a du foot. J'ai un stagiaire qui suit le match. Il y a un match, ouais. Il y a quoi le match? Il y a Nice-Lyon et 1-0 pour Nice pour l'instant. Voilà, pour ceux qui suivent le match, comme ça, on vous tient au courant. Dès qu'il y a but, je peux dire, il y a juste à dire qu'il éternue. Mais on l'entend derrière et puis il arrive avec plaisir. On sera Bruno Mars, on sera les plus gros hits hein, sur Énergie comme d'habitude aussi. Jusqu'à midi. Hier, on était avec Soprano, c'était impressionnant l'émission. Ah ouais. On a vraiment fait une des meilleures émissions depuis longtemps. C'était vraiment un kiff absolu quoi. Soirée de folie hier, c'est passé trop vite. Vous êtes extra, merci Océane. Big up, j'ai vu la vidéo de JM du Standard dans la voiture, mort de rire. Ah oui, on vous a mis sur notre chaîne YouTube du coup. On a mis la chaîne, la vidéo qu'on a tournée en fait avec une voiture qui fait des tonneaux. On a mis des boules pour faire comme dans Motus, des boules jaunes et une boule noire. Ouais. Ah, c'était gros fou rire aussi. Bonsoir à Gaëtan, Sonia, Emma de la team Yoplay, Amélie, Karine et grosse dédicace à toi Guillaume et l'équipe, je vous aime. Bonsoir à toi Amandine, merci beaucoup à toi d'être là surtout. Dédicace à Ethan et à tout le collège Saint-Michel de Picpus. Voilà, si vous voulez faire une petite dédicace, bah on est là hein, ce soir du coup. Guillaume et le message là aussi 11-12. Comme tous les vendredis, on fera tout à l'heure. Si vous sortez ce soir, si vous partez au restaurant, Bruno Mars, on se fera 24K Magic là. Ça va, JM du Standard? Ouais, salut Guillaume, ça va très bien. Tu es là, ouais? Ça a pas l'air. Ouais, ça va, Julia, t'es en forme? Salut Guillaume, salut tout le monde. Elle est jolie, Julia, aujourd'hui. C'est une bombe. Merci. Non, elle est belle. Aujourd'hui, je crois que c'est à cause du haut qu'elle a. Je me le suis. Elle a un haut qui est. Quand elle est arrivée, c'est je me suis dit, putain, aujourd'hui, elle. Ah, regarde, c'est gentil. Elle va le remettre tout le temps. Mais c'est vrai, particulièrement. Il y a des jours. Il est un peu transparent aussi. Ouais, alors c'est bizarre, c'est que vraiment, elle change vraiment de tête en fonction de la lune. C'est vrai. Et un jour, fait pas l'autre. On est d'accord. Bonsoir, Flo. Salut Guillaume, ouais, complètement, elle change de tête tous les jours. Le cadeau, il a l'aise, il parle, on l'a pas encore annoncé. On le voit avec le micro et d'autres. Bon, si vous voulez venir délirer à la maison, le standard Guillaume et votre message là aussi, 11-12, on se fera un double hit justement, Flo des cadeaux. Ouais, avec des places pour aller voir Sopra en haut de la tour Montparnasse. Ah, très bien, ça c'est un beau cadeau. Ah ouais, ouais. C'est beau, ouais. C'est un beau cadeau. Après, il y a le 28 octobre. Donc ça sera le 28 octobre, ouais. Soprano Energy Live Session en haut de la tour Montparnasse. Dans deux semaines. Et non seulement on vous file les places, mais c'est pas ça qui est intéressant, l'intérêt. C'est, enfin, le côté intéressant, c'est l'hôtel, le transport, ouais. Le restaurant. Vous passez un week-end à Paris, voilà, et en plus, vous allez assister à un concert de Sopra en haut de la tour Montparnasse, qui est une des tours les plus hautes de Paris. Ouais, t'as une belle vue un peu aussi. Donc, merci. Un petit plus. Il fait le lien rapidement. bien rapide. C'est pour ça que je suis là. Salut Guillaume, enfin, Simon, que je t'avoue un truc, appelle-moi au 07. Alors, attends, ça c'est connerie ça. T'es sexy dans TPN, merci beaucoup. Bisous mon Guillaume. Salut Marine, gros bisous, merci d'être là pour la nuit de taf. Bisous Tiffen du Nord. Bon courage. Salut, salut tête de guiche, j'ai stagiaire. Je remercie. Salut, Jérémy 5-2. Je vous écoute avec mes neveux, Paul et Hugo. Salut Dany Compiègne. Bon, eh ben, salut à la 5ème 2 du collège de la Goultre. De la Coultre, Couldre. Mais c'est Hugo du 7-8. Salut mon Hugo. Salut. Bon, Guillaume et votre message. Hein. Si vous voulez faire une dédicace, il y a Rémi qui vient d'envoyer. Si vous voulez passer à l'antenne, vous commencez toujours le texto par Guillaume. Si vous êtes en voiture, là, vous pouvez essayer d'ailleurs. Vous allez voir que ça marche. Ouais. Hein. Guillaume et votre message au 6-11-12. On va lire le message à l'antenne. On se fera le clash de la semaine tout à l'heure. Qui veut énerver qui, Jim Sanda? Alors, c'est Jason qui veut énerver sa maman qui s'appelle Angélique. Il veut lui faire croire quoi? Et en fait, il veut lui faire croire qu'il a rejoint un pote à lui qui faisait du T'as mis mal aujourd'hui. Hein. Ouais, fait une phrase normale. C'est la fin de semaine. Ouais, j'arrive pas à faire une phrase en fait, il a rejoint un pote à lui qui fait du babysitting et ils ont fait fumer l'enfant quoi. Ah, et c'est la crise. Ah, c'est bien, c'est responsable. Il veut faire croire au père qui est devenu fou, l'enfant et tout. Bon, bah, on va le faire après. Angélique, la mère et tout. On va bien rigoler tout à l'heure. Et puis, il y a plein de jeux hein, toute la soirée comme d'hab. Ça va, mon Rémi, tu m'entends de Saumur dans le 49? Ah non, j'ai pas mis sur le bouton. Ah putain, c'est moi. Eh, si JM du standard, il sait plus parler. Ah moi, ouais. J'ai plus qui papa. Vous allez bien? Allô. Allô. Ok. Vous allez bien? Enchanté, man. C'est qui papa? C'est qui papa? Enchanté, enchanté, mec. Merci de passer un petit coup de fil, en tout cas. Attends. Il marche toujours pas assez à peine. Il y a un problème de déformateur. Là, je suis à fond dans le monde, on l'a. Il y a un souci, ouais. Putain. Eh, mais il y a un technicien, je pense, toujours. Il est payé par Fun Radio pour régler les trucs ou quoi. Il y a une couille ou quoi. Il sabote. Bon, si on vous demande quelle radio vous écoutez, faut bien dire énergie, hein, par contre. À 22h minuit, les mecs. Voilà, lundi au vendredi, on fait l'émission un petit peu à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne, c'est-à-dire. Mal préparé, voilà. Oh, bon, Rémi de Saumur, qui est là dans le cœur. T'es étudiant, tu m'as dit, tu travailles, tu fais quoi? Non, je travaille dans une grande surface. D'accord, ok, très bien. Dans quelle grande surface? Super U. Eh ben, salut à tous les collègues. Ouais, c'est le magasin U. À tous les mecs de Super U. Avant de se faire le double hit dans 2 minutes, 2 morceaux de Sopra. On écoutera le nouveau, là, tiens, justement, ouais. Avec Marina Key. Ouais, il est bien. Soprano Marina Key, avec Isabelle Mon Everest, comme l'album, qui est sorti hier à minuit, en plus. On avait bien rigolé. Et puis Rémi, du coup, alors toi, il t'est arrivé une histoire. Non, t'es en couple, c'est ça? Ouais, je suis en couple. Très bien. Et qu'est-ce qui t'arrive? Ça va faire bientôt un an. Ouais. Oh. Bah, du coup, ça va faire bientôt un an, en fait. Ouais. Et j'aimerais bien lui offrir un petit cadeau, tu vois, pour les un an. Et j'ai un budget de 60 euros. Ouais. Et du coup, bah, je sais pas trop quoi lui offrir, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous appelais, pour avoir un peu des conseils. Ouais. À 50 euros. Des conseils pour 60 euros. Mais tu veux lui faire une surprise, ouais, c'est un cadeau. Oui, elle va kiffer. Moi, je suis beaucoup plus surprise que cadeau. Cadeau, ouais. c'est un peu. Bon, c'est bien, un beau cadeau. Et mais tout, elles aiment ça, les femmes, elles surprises. De quoi elle, oh, exactement. Ah, elle kiffe trop. Ah ouais, putain. Ça je suis fait pas un connaisseur, mais. Elle a quel âge, la meuf, ta copine? Elle a 19. 19, ouais. Toi, t'as 21. Ouais. Ça fait un an bientôt, là. C'est quand, les un an, là? Ça tombe samedi prochain, samedi demain, après-demain, pour savoir si on a une semaine. Si on a. Il y a Halloween aussi, pour les déguisements. Le délai, ouais. C'est le 23 octobre. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est dimanche la semaine prochaine. Ouais, mais c'est un dimanche, c'est bien. Ouais, t'as le temps encore de préparer. T'as encore le temps de préparer. T'es pas trop. Voilà. Mais une semaine quand même. Après, pour faire des surprises à 60 boules, moi je prendrais une petite nuit d'hôtel dans un petit hôtel cool, tu vois, pas trop loin, puis j'irai. Avec après, une baignoire. Ça dépend. T'as une voiture, t'as pas de voiture, t'as une moustache, t'as pas de moustache. Ouais, tu vois, ça dépend après de toi, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, après j'avais pensé à une Smartbox et tout, mais. Bah non, c'est trop classique, mec. Une Smartbox, bah ouais, voilà, c'est pas. Ça, c'est trop classique, quoi. Ouais. Ça dépend de la Smartbox. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, remarque, c'est original, ouais. Moi, j'ai déjà offert à mon ex-copine une Smartbox et c'est fait masser, elle était très content. Ouais, bah oui. Et c'est un peu court, en fait. Le problème, c'est que les box comme ça, c'est les offres un peu. Ils te les bâclent un peu, j'ai l'impression, quand t'arrives. Ouais, quand c'est pas trop cher. Prendre la tête aussi, je pense. Ouais, voilà. Je t'écoute dans ma voiture, direction Tours, avec ma chérie, je vous aime, vous êtes géniaux. Salut à toi, représente un mariage. J'aimerais faire une blague à deux copines, les appeler, leur faire croire à quelque chose d'assez sympa. Je veux dire à Mourad que je l'aime, c'est Karina. Bonsoir Karina. Salut. À Roms aussi, c'est ma dernière émission avant 3 semaines de vacances. Je vous retrouve après, du coup. Et j'emmerde la tête fusée, j'ai un stagiaire. Ah, ça va commencer, ça va. Ce soir, je vais en club libertin, ça va être bon. Bonsoir, mon JB du Nord. Ah, la chance. Voilà, vos dédicaces, hein, commence par Guillaume, le message, le texto. Vous m'envoyez un texto, vous commencez par Guillaume, sinon il n'arrivera pas dans le studio. Et vous me l'envoyez au 6-11-12. Voilà, si vous voulez faire une dédicace là. Achète-lui rien. Merci beaucoup. Dis-lui un god. Salut Rome, bon courage aux agents de sécurité, c'est parti pour 12 heures de travail. Bonsoir Alexis du 72. Une idée de petite surprise pour sa copine. JM du standard, est-ce que t'es du genre surprise? Pas trop, franchement pas trop, mais après, c'est vrai, ouais. Ouais, faut savoir en fait ce qu'elle veut selon son envie du moment. Moi, ce qu'elle veut selon son envie. Ah, on est un genre de fou du standard. 22h12. Bah, c'est vrai, philosophe. Bah oui, c'est vrai. Ça va, c'est bien, faut que ce qu'elle veut. Bah oui. Et en fait, Ribéry. Attends, et toi tu disais que tu serais capable s'il y avait un jour une pareille, là, ça s'appelle des trucs, une conférence de presse, tu serais capable de sortir des saucisses comme lui. Hein. Ah bah c'est sûr. Ah non, mais bah, oui. Ah oui. C'est le roi de la saucisse. Il y a pas de souci. Vas-y, raconte alors. Non, en fait moi la dernière fois j'étais avec une fille et je savais qu'elle voulait un parfum, donc en fait elle est partie dans une parfumerie et quand elle a choisi le parfum c'est moi qui l'ai payé en fait. Je lui ai fait un petit cadeau comme ça. Oh là là, mais que c'est romantique. Le principe romantique, c'est des. Oh là là. Tu m'as mis une claque. Mais je savais pas quoi lui prendre, c'est pour ça. Tu vas pas prendre un habit ou un truc comme ça. Bah, tu vois, si, c'est bon. Bah si. Ah non, les habits, sa taille, tu fous. Non, les habits, c'est un peu. C'est des... Non, il a raison. J'aime ça, il a raison. Mais moi, j'ose des fois. Pour les habits, tu devrais peut-être pas oser, je sais. Voilà. Parfois, il y a des filles qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien, par exemple, je sais que c'est très rare qu'on m'ait acheté un vêtement qui me plaise, vraiment. Moi, je préfère vraiment choisir moi-même. Un événement, ça se porte, ça s'essaye. Ouais, mais elle te connaît un peu. À chaque fois, j'arrive au Noël et tout. Bon, il y a famille, il m'offre un t-shirt un peu trop grand. Un pull un peu trop court. Tu vois, puis alors, tu dis, ah, c'est super. Dans ta tête, il dit putain, comment je vais le faire. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, James, oui. On t'a déjà offert des vêtements dégueulasses. Ouais, ça arrive. Ouais. C'est vrai, tes parents Des potes et des parents, ouais, aussi. Des potes, ouais. Ouais, la famille aussi. Là, les parents, il y a un moment où tu passes un âge et où ils te prennent encore pour un enfant. Ah ouais. Et tu leur dis attends, papa, maman, je mets plus ça. Bah, qu'est-ce que tu as, t'as pas ton bleu. Ça change bien, Snoopy. Grave. C'est compliqué. Et quand tu déballes le cadeau, t'es obligé de pas le montrer en fait. Ah ouais, c'est super. Bah, oui. Tu montes ça. C'est là que t'apprends à jouer. C'est là que t'apprends à jouer. C'était magnifique au Brésil. Merci beaucoup. Salut Guillaume, dédicace à ma chérie Lison que j'aime fort, mon soeur John de Bordeaux. Salut. Il peut acheter une smartbox mais ne rien dire à sa copine et faire genre de lui payer un super week-end. Salut Renard du 18. Salut Renard, ouais. Oui, mais bon, c'est-à-dire que si t'achètes la smartbox, t'as plus le budget s'il a 60 euros. Bah ouais. Voilà, faut trouver. Julien Stagiaire, est-ce que t'as une idée de petite surprise à faire en couple quand t'as 60 balles? Bah faire un dîner en fait. Moi en fait, j'étais avec une fille qui me traitait un peu d'incapable parce que je foutais rien à la maison, je foutais pas la cuisine. Elle te connaissait très bien. Et justement, ma surprise a été de lui faire un dîner un peu romantique avec des bougies venant de moi. C'était un peu inespéré, tu vois. À l'appartement ? Ouais, avec de la musique. Elle attendait à chaque fois. On fait tourner les serviettes. Bah, non. Je l'ai guettée jusqu'à ce qu'elle arrive chez moi. J'ai mis la musique à fond avec l'enceinte et elle a rigolé. Elle était émue. Et... Il y a tout le quartier qui était au courant. Tout le quartier. J'ai fait une mise en scène avec des bougies. Il a mis la vieille chanson. Oh.